Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, oui, bonjour, oui. Bonsoir. Bah oui, bien sûr, ça commence directement. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de deux charmants invités. Notre premier invité est auteur, metteur en scène, mais vous l'avez sûrement vu en tant que comédien. Il a joué dans Yannick, Mars Express, Coupé, et bientôt au cinéma dans Nous les Leroy et dans la série Bouchon. Et oui. Et oui, dès Léonard. Son film, il est très très fort. Toujours. Mais t'as vu, j'en fais pas du cas, je le mets non, entre non. deux trucs. Je me permets de le relever. Nous le roi le 10 avril. Sur YouTube, vous l'avez vu récemment dans la. Ah, on l'a Non, t'inquiète pas, je l'oublie près. Non. Et il est dans le il est dans le film Tombé du camion de Philippe Paulet-Villars qui est sorti depuis mercredi, dans lequel il joue le fils de ma présidente Valérie Bonneton et de Salut, c'est Team Site. C'est Sébastien Chassagne. Oui. Bravo. Bravo. Oh là là. Il a détesté, il est resté. Non, quoi? T'as bien aimé l'intro? Il est resté quoi, Coubé? Ah, si, c'est bien. Non, okay. Pardon, je sais pas si j'aurai de la voix jusqu'à la fin de l'émission. Bah, Moulin n'en a plus non plus. Moi non plus. Non, mais on peut gérer, on peut faire des trucs, des imitations. Ouais, on peut vous imiter. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, ça peut être sympa. Eh, hey, toi dans le théâtre là, arrête de faire du bruit. Non, ça c'est Raphaël Quenard dans Yannick. Non, c'est toi dans Yannick. Ah putain, oui, bah, bravo. Ouais. C'est vrai. T'as pas du tout vu le film, Sébastien? Si, si. Notre second invité, c'est sa première fois dans l'émission. Il a joué dans Première année, Les Complices, Le Sens de la Fête ou encore Un Métier Sérieux. Ce mercredi, il joue dans le film La Vie de ma mère de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui. Il est tellement chaud, onctueux et plein de saveurs qu'on a envie de l'appeler William Liebig. C'est William Liebig. Oui. Oui, merci. Bonsoir. Bonjour. Ça wow. va, William? Oui, très bien. J'ai la crève. Voilà, c'est super. Tu es au top et ça fait plaisir de recevoir. Je suis au top. Vous vous connaissez tous les deux? Ah oui. Bien sûr, vous connaissez. Parce que vous avez joué déjà dans Grand Paris. Nous avons joué dans oui. Grand Paris de Martin Jovin. Film disponible sur MyCanal. On a joué un tout petit peu dans Ami Ami de Victor Saint-Macary. Effectivement. Et on a passé des essais ensemble. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur des essais. Aucun souvenir. D'un film. Aïe, aïe, aïe. Un film qui s'est jamais fait. Un film de Victor et oui, bien sûr. Hugo. Bien sûr, tout ça me revient au visage et me pète à la gueule. C'était exceptionnel. Bah, moi, j'ai un bon souvenir de ces ouais, essais en réalité. Ouais. Les bah, Zèbres aussi, apparemment. Ah bon? Bon, allez. Bon. Ouais, non, c'est un allez, votre complicité est un fiasco. Je peux me permettre. La complicité n'est plus approuvée. Donc on va commencer comme d'habitude avec le jeu du Floodcast. William, je sais pas si tu connais l'émission, mais en gros je pose des questions sur une actualité un petit peu insolite okay. de ce qui se passe dans le monde, mais c'est prétexte pour ensuite poser des questions voilà. à tout le monde c'est autour les de la têtes, table en gros. C'est les grosses têtes, si tu connais les grosses têtes. Je sais que t'es fou des grosses têtes. Ouais, t'es fou des grosses têtes ouais. Non, t'as participé quelques fois. C'est resté aux Pyrénées, on observe un phénomène oh. étrange chez les tétras. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'un tétra? Et que leur arrive-t-il? Aux Pyrénées? Dans les Pyrénées. Ah, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées orientales. Oui. Non, mais il faut être précis avec cette sur la géographie. Ce ne sont pas des arbres. Est-ce que c'est... Attends, tétra, c'est... Tétra, c'est 4. Tétra, c'est 4? Comme la tétralogie. Oui, il me semble. Ah bon? Oui, ah oui, oui. Ok. Oui, il me semble. Ah, moi, je... Tétra, c'est 4. T'as des lunettes, donc pour moi, tu peux dire ce que tu veux. Est-ce que c'est des batraciens? Ce ne sont pas des batraciens, mais c'est vrai que... Tétards, je pense. Certains... Effectivement. Mais c'est vrai que c'est aussi un poisson exotique d'eau douce, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Tétra. Dans est-ce que c'est un type oui, de... Bien sûr, j'ai été aquariophile pendant mon adolescence ah ouais et j'avais des tétras. Ouais, ouais, ouais. Mais sans déconner. Ah oui, j'ai été aquariophile, ouais. Ah oui, wow. Bien sûr, j'avais un aquarium. C'est ça. C'est une exclue podcast. Tu l'as dit par ailleurs, ouais, je pense. Je crois. Non, c'est une exclue. Ouais. Plaisir. Ah, ben, c'est ouf. Déjà une exclue, c'est ouf. C'est la première fois que ça va si vite. Est-ce que c'est un type de personne? C'est un type d'animal. Ok. Ah c'est des animaux. Mais non, pas à quatre pattes parce que non. Ils ont non, un problème de tétra. Ils ont un problème avec ces animaux. Est-ce que ils ont un vrai problème avec ces animaux? Est-ce que le chiffre 4 non, pas okay. du tout. Les tétras. Ils se reproduisent ouais. beaucoup trop. Alors c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est lié à un dérèglement hormonal qui leur arrive. Donc c'est pas qu'ils se reproduisent beaucoup trop, mais ce dérèglement hormonal a une incidence sur leur comportement. Ils ont envie de se reproduire avec tout non. le monde. Avec des humains. Non. Attends, mais est-ce que ça va nous aider de trouver ce que c'est des tétras ou pas? Ça peut vous aider. Ouais, attends, ouais. J'ai oublié la question. C'est quoi la question? Il y a un comportement bizarre chez les tétras dans les Pyrénées. Ah, et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est les tétras? Okay. C'est des taupes? C'est pas des taupes. Mais est-ce que c'est genre. Ça peut être. Comment dire? N'importe quelle espèce d'animal peut être un tétra? Non, c'est vraiment le nom d'un animal. Ah, ok, c'est un animal quoi. C'est un animal. Ok, un animal. D'accord, je croyais que c'était genre. Comme quadrupède et ça peut être plein de. Ok, non, c'est vraiment... Il grignote les freins des voitures? Non. Ok, ça m'est arrivé ça. Enfin, pas les freins, mais. Non, mais ça, dans les Pyrénées, c'est problématique. Ouais. C'est vrai. Ah oui. Voire catastrophique. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tragique. Il débranche. Je vais peut-être chialer. Il débranche les alarmes des maisons. Non, non, pas du tout. Il démarre les voitures avec les fils. Il vole des bagnoles. Les tétras volent des bagnoles. Ah, mais non, si, les tétras, c'est des sortes de bouquetins, non? Non. Et allez, je l'ai dit avec beaucoup d'assurance. Ah ouais, c'est pas du tout. Tu t'es dit Pyrénées. Ça aurait été pas mal. Non, non, mais j'ai eu une vision. C'est des insectes, c'est des genres d'insectes. Non, pas du tout. On n'a pas trouvé ce que c'était. Toujours pas. C'est des petits mammifères. J'ai tellement d'assurance. C'est des petits mammifères. Excusez-moi, je vais mouche. Je comprends les mammifères. Vous êtes avec William Lynch. Ils imitent les humains. Ils imitent les humains qui pètent. Non. Et alors tout le monde s'accuse après. C'est des oiseaux. C'est des oiseaux. C'est des oiseaux. Ah bah, ok. Je, ça, ok. Ça y est. Ils imitent les humains qui disent des trucs racistes. Non. Ok. Non. Et qui rentrent chez les gens. Ils ne rentrent pas chez les gens. Est-ce que leur comportement bizarre, c'est en interaction avec les humains? Oui, tout à fait. Okay. Et je vais vous donner l'animal que c'est. C'est un poulet. Oh. Ce sont des coqs. Ils traversent la route. Ils sont hyper agressifs. Alors ils sont hyper agressifs, mais pas que. Je vais vous donner la réponse. Ils veulent plus baiser. Ils volent. Ils font des casses. Ils griffent les bagnoles avec leurs arcs. Oui, ils en prennent que aux enfants. Non. Bon film. Ils s'attaquent aux humains. Oui, ou alors ils cassent. Ils sont extrêmement gentils avec eux. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un dérèglement hormonal. Des pervers narcissiques, du coup. Exactement. Hein. Un dérèglement hormonal touche la population mâle des grands tétras des Pyrénées. Il les rend particulièrement agressifs à l'égard des randonneurs et des autres êtres vivants en général, ou anormalement dociles. Ah non, genre ils les suivent, tu mets ta main, ils viennent. Tu vas voir, c'est encore plus fou. Un volatile d'environ 5 kilos bondit sur vous en mode combat, tout griffe dehors avec son bec acéré et en battant des puissantes ailes. On appelle ça le phénomène du coq fou. C'est un vrai terme. Coq fou panda, le film. Oui. J'étais à deux doigts de la faire. Deux coqs fous ont été repérés ces dernières semaines dans les Pyrénées. Et le même dérèglement hormonal peut aussi donner des coqs mous. Non, complètement autre chose. Ah non, mais deux phénomènes complètement opposés. Moi je suis plus coq mou. Oui, c'est vrai que toi t'es plus coq mou. Ouais. Sébastien, coq mou, coq fou. J'ai pas de. Pardon, je suis en train de me servir de l'eau, les gars. T'es coq mou, Sébastien. Oui, t'es coq mou. Répondre à la question, t'es coq mou. Toi, Adri, coq mou, c'est celui qui est sympa. Moi, je suis mime. Ouais, ça dépend. Ouais, t'es coq fou mou en fait. Je peux être. Ouais, selon. Je suis coq versatile, quoi. Ouais. Quand ils sont coq mou, ils sont totalement désinhibés et ils viennent fraterniser et même lustrer leurs plumes sur les chaussures d'un randonneur. C'est quand même trop mignon. Du coup, il cire les pompes, enfin, il nettoie les chaussures, limite, quoi. C'est ça, exactement. Wow, ou alors, vous lacère le visage. C'est ça où c'est peu, voilà, faut non, se mettre. Non, je suis pas coque mou, moi. Je... Non. Je vais pas jusqu'à cirer les pompes des gens. Des puissants, bah, toi, de toute façon, tu leur craches à la gueule. Wow. Les mâles grands tétras sont une espèce protégée, donc en fait, c'est un peu relou parce que maintenant, les randonneurs veulent faire le buzz. Non, mais faire le buzz avec TikTok. Et faire des vidéos avec le coq qui se frotte ou qui t'agresse. Et les offices nationaux des forêts sont très énervés parce qu'il n'y a que 4000 coqs comme ça dans les Pyrénées. Mais c'est des coqs sauvages? Ouais. Waouh, je savais même pas qu'il y avait des coqs sauvages en fait, moi. Bah si, incroyable. Attends. Wow. Est-ce que vous, il y a un animal qui vous fait peur? Est-ce que c'est une. Vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec un animal? Moi, toi, t'étais aquariophile, donc déjà, est-ce que t'as eu des poissons un peu agressifs? Mais je faisais plein de cauchemars avec les aquariums. Ah bon? Ouais, avec des espèces de poissons extrêmement étranges qui me faisaient peur. Ah ouais? Je me réveillais en sueur la nuit. Mais ils te faisaient quoi, les poissons, du coup? Non, ils me faisaient juste peur. Ah, juste, ils étaient présents. Ouais, ils te faisaient rien. Présents, c'est leur forme. C'est juste une image fixe d'un. Non, mais j'ai un peu. Je pense que j'aurais plus. En fait, moi, j'ai plus peur des choses soit qui volent, soit qui sont sous l'eau, enfin, où je peux pas m'enfuir. Oui, je vois ce que. Ouais, où t'es piégé. Où je suis piégé. C'est ça. Ouais, mais moi, cela dit, les coqs, c'est très flippant. Hein. Enfin, moi, les oies, par exemple. Non, les oies, c'est pire. Les oies, c'est pire. Extrêmement énervant. C'est hyper violent, les oies. Toi, t'as eu mes aventures avec des oies? Non, je me suis toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup méfié des oies. J'ai toujours pris mes distances avec les oies parce que j'avais. Enfin, parce que ça se voit que c'est un peu. Toujours pris mes distances. T'as grandi à la campagne? Oui, en plus. Ah, ok. Et alors, non, en revanche, j'ai eu peur des chiens pendant des années et des années parce que quand j'avais 3 ans, même un peu moins, je crois, j'ai un berger allemand qui m'a sauté dessus, qui voulait certainement me dire bonjour. Ou me lécher le visage ou quoi au casse, on le saura jamais. Ouais. On saura puisque tu l'as planté. La à mi-distance, tu l'as planté. Et non, et on saura jamais ce que tu voulais. Et j'ai été terrorisé par les chiens pendant des années et jusqu'à ce que j'en ai un et que je l'aime jusqu'à ce qu'il meure et que je sois triste. et après. Belle ambiance. De rien. Et après, non, si je. Une fois, il y a quelques années, 10 ans, je suis allé au Laos, il y avait des chiens errants partout dans une ville et des bandes de chiens. Et j'en avais parlé avec une touriste japonaise qui, elle, avait ramené un petit laser pour leur mettre dans les yeux parce qu'elle avait peur des chiens. Et moi, moi-même, je m'étais armé d'un bâton au cas où les chiens venaient nous attaquer en bande. Enfin, j'étais vraiment dans West Side Story de chiens. Moi, j'avais pas peur des chiens, mais par contre, les chiens me haïssaient pendant une période. C'est réglé maintenant. Mais ouais, je me faisais souvent genre. Il a fallu faire beaucoup de stories quand même. Chahuté. Pour que ça se. Non, mais je me suis fait mordre par un pitbull dans la rue. Ah ouais. Le chien, il m'a foncé dessus, il m'a mordu au pec. J'avais des, pas mal de pecs à l'époque. Mais il s'est cassé les dents, je crois. Et, ouais, ouais. Non, et au bras, je m'étais fait agresser par un chien. Ah, et après, il y avait beaucoup de chiens qui, genre, faisaient des détours pour venir me grogner dessus alors que j'étais assis sur un banc, tu vois. Genre, bah, ta réputation était faite. T'avais pas peur des chiens? Bah, pas trop, mais les chiens me détestaient. Maintenant, c'est réglé. Apparemment, le mot est passé que j'aimais les chiens, donc les chiens me laissent tranquille. Tu leur as envoyé un mail? Bah, j'ai fait une story, j'ai dit, écoutez, c'est trop con. C'est trop con qu'on passe de se bouffer le nez comme ça alors que on pourrait vivre ensemble. Non, et non, moi les chats m'angoissent un peu. Ça dit, dès là, ouais, t'es allergique aux chats. Je suis allergique, mais ça, bon. Ouais. Mais je sais pas, les chats, ils, avec leur grippe, leur cri est horrible, quoi. J'ai jamais trop compris ça. Et tu sautes dessus, puis là, c'est un chat très énervé. Non, en chaleur, ils font des trucs comme ça parfois. Ouais, ouais. Non, mais même quand ils sont énervés, quoi. Il y a des vidéos de gens qui voient un chat, ils font ah, il est mignon, ils commencent à le caresser. D'un coup, le chat, il leur plante les griffes dans les cuisses et tout. C'est horrible. Oui, ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas la version la plus violente du chat, comme la version du plus violente du chien, c'est t'arracher la gorge à coups de mâchoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je sais pas, il y a un truc fourbe chez les chats qui m'angoisse. Oh, attention les termes, attention. Peu, ouais. Non, mais tu vois, le chien, vous êtes fan de chat? Qui est fan de chat? Je suis pas fan de chat, mais j'ai jamais vraiment compris la haine des chats. Non, côté. Je dis pas que je les aime pas, je dis qu'ils me font, ils peuvent me faire peur. Oui, bah, c'est le discours de tous les racistes. On a fait pareil. À part les oies, où c'est vraiment le seul animal qu'on a le droit de détester. Trop de chats en France. Ouais, voilà, c'est ça. Non, les oies, et les oies font la même chose. Les oies font des, comme les dinosaures, ils font des. T'es comme ça, des. Ouais, comme de les chats, tu veux dire. Ouais, ok. Mon chat, il a jamais fait ça, moi. Oui, et les poulets, c'est des dinosaures. C'est vrai. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais. Voilà. Mais parce que t'étais aquariophile, mais aussi fou de dinosaures. Ouais, complètement fou. Ce serait quoi le paléontophile? Ouais, j'imagine. Peut-être. Ouais. Peut-être. En Nouvelle-Zélande. Je crois pas que ce soit ça. Excellent. Je trouve que c'est quelqu'un qui aime les paléontologues, ça, non? C'est très spécial. C'est une niche. Je regarde si ça existe. Je suis fan de paléontologues. En Nouvelle-Zélande, un championnat du monde ouvert à tous peut vous faire gagner jusqu'à 17 000 euros. Un championnat dans lequel on doit faire le meilleur manu, comme on dit là-bas. Mais du coup, ça veut dire quoi? En quoi consiste ce championnat? T'imites n'importe quel manu. Voilà, qu'est-ce qu'un manu? Alors, faut pas imiter un manu. Alors, attends, c'est où, t'as dit? En Nouvelle-Zélande. Alors, Nouvelle-Zélande. Ça picole pas mal là-bas. C'est une danse? Ce n'est pas une danse. Est-ce que c'est un type de gars en Nouvelle-Zélande? Non. Genre, lui, c'est un manu. Non, non, rien. Non, non. Comme un Jackie. Ouais, ouais, voilà, exactement. Voilà. Le Jackie de Nouvelle-Zélande. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que la somme est importante dans l'énoncé? 17 000 euros. 10 000 dollars. Non, c'est euros. J'ai fait la trad. Oh, bon. Oh là là, le mec. Non, pas spécialement. Enfin, c'est même plutôt surprenant. Je trouve que c'est un gros chiffre par rapport à. C'est un animal, le manu? Non. C'est un plat? Ce n'est pas un plat. Un cri? Pas un cri. C'est un son? Faire le meilleur manu. Que serait le son du manu? Il y a un petit tanas là. Ah oui, mais là, c'est une paillette. Oui, d'accord. Une paillette. Putain. C'est tellement bien de partir sur la bouffe. C'est dommage que ce soit pas ça parce que la réponse va vous décevoir. Autre chose. Alors attends, manu. Manu. Et c'est pas une traduction. C'est un poème. Non, ce n'est pas un poème. Non, c'est vraiment une activité que je qualifierais de sportive. C'est un saut. Oh, on est très proche. C'est un saut. Ah, c'est une galipette. Être en équilibre sur les mains. Ce n'est pas une galipette. Ce n'est pas être en équilibre sur les mains. Parce que c'est un saut avec les genoux. Il faut faire quelque chose avec ses genoux. Il faut les toucher avec le nez. Tu es très proche. Il faut toucher ses genoux. C'est un saut carpé. Un saut carpé. C'est un saut, mais qu'on peut pas faire partout. Un saut qu'on fait sur l'eau, dans l'eau. Sur l'eau, j'ai dit. Donc un plongeon. Un plongeon. Un plongeon, mais une bombe. Très bonne réponse de Sébastien. Ah, avec l'eau qui te rend dans le cul, du coup. C'est une bonne réponse collective, je pense. C'est la pièce. C'est un travail collectif. Non, mais. Valide à chaque fois la réponse. C'est le buzzer de William. Un petit interlude musical. Le manu est une méthode de plongeon qui serait née en Nouvelle-Zélande il y a une trentaine d'années et est pratiquée avec ferveur dans les piscines, les rivières et des sites en bord de mer à travers le pays. Le gagnant recevra donc 17 000 euros, comme je l'ai dit, 30 000 dollars néo-zélandais, comme ça je te tatoue. Voilà. Contrairement au plongeon olympique, où les athlètes. Le groupe, hein. Oui, bien sûr. Ready to my head. They're not gonna get us. C'était leur deuxième single que je trouve meilleur. Contrairement au plongeon olympique. Pointu sur ta tête. Non, mais je préfère le dire. Contrairement au plongeon olympique, où les athlètes recherchent la plus petite éclaboussure possible, les juges du manu ont pour critère le volume et la hauteur de l'éclaboussure, ainsi qu'un son pur à l'impact. Selon l'organisateur, on attend 5000 compétiteurs. 30 000 balles. 30 000 balles. Mais c'est beaucoup en Nouvelle-Zélande, 30 000 euros ou pas? Bah, je m'en rends pas compte. Hein. Ah, tu veux dire oui. Parce que pour nous, à Paris, c'est un broche. C'est rien du tout. Pour nous, gens de cinéma, c'est vraiment. Mais bah, 30 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Oui, oui, non. Bah, c'est énorme, c'est énorme. Ah, oui, donc ça vaut le coup, clairement. Ouais, faut le tenter. Ça faut le tenter. Après, très mal. C'est de haut? C'est de très haut, t'as dit? Ah, je sais pas. J'ai pas fait assez de recherche. Mais il est déçu. C'est Sophie Marais en plus qui racontait une histoire de plongeon terrible sur un flot. Récemment, tout à fait. Avec, c'était quoi, l'eau qui rentre dans le cul, c'est ça? Ouais, l'eau qui rentre dans le cul, ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que ça vous, il y a un domaine où vous vous dites, là j'ai un petit talent, là j'ai quelque chose? Et d'ailleurs, par la comédie, bien sûr, on le sait, vous êtes tous comédiens, mais je vais vous donner des thèmes et je veux savoir si dans ces thèmes vous sentez que vous avez un petit talent. Si par exemple je vous parle de cuisine, est-ce que vous êtes des bons cuistots, Adrien? Ça va, pas mal, ouais. En fait, ouais, ça va, je suis pas mal. Je pense que je suis pas mal. Mais t'es pas mal. J'ai un bon instinct, quoi, tu vois. C'est ça, mais donc t'es pas un cuistot qui va faire des trucs très. Enfin, c'est plutôt dans la recherche de trucs un peu élaborés où tu dis non, là, je veux le goût. Moi, c'est freestyle, c'est du free jazz en fait, c'est la cuisine. C'est genre, je mets ça, attends, et pam, en milieu de recette. C'est l'équivalent d'un. Mais si je mettais ça, bam, bam, bam. C'est l'équivalent d'un planète. Des fois, c'est pas fou. Ça peut être très décevant, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression d'être un peu un magicien dans son labo, quoi. Oui. Tu vois. Genre, bah, bah, l'important, bon, c'est fois, pas ça... l'arrivée, c'est la quête, quelque part. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Le chemin, ouais. Non, bien sûr. Ouais. C'est ça. C'est Sébastien ça. Oui. Mais oui, cuisine, la quête, je pensais à la quête, genre à la messe, quoi. Je sais pas pourquoi. Parce que t'es un homme d'église. Parce que je suis. Tout simplement. Tu es un homme de foi, en fait. Maintenant, en plus, il y a des pubs, apparemment. Je suis pas catholique, mais on peut payer en sans contact. Non, sans contact. Oh, Bitcoin, la quête, on peut payer en sans contact. Ouais, ouais. Wow. Oh, incroyable. Un Lydia, clairement. Non, oui, en cuisine, oui, je me débrouille assez bien, oui. Mais et depuis tout petit, j'adore ça. D'accord. J'adore cuisiner. C'est un des endroits qui me rend un des moments qui me rend le plus heureux dans ma vie, c'est la cuisine. Clairement. Okay. Mais je peux comprendre. La petite spécialité. Oh, j'aime bien. Alors, j'en ai pas vraiment. J'aime bien faire fusionner des trucs. Alors, si, là, dernièrement, c'était l'hiver, donc je sais pas si ça marche. Exact. Mais j'aimais bien faire avec du. Ah, bien joué. Je sais pas si vous le sujet pour les plus jeunes d'entre nous. Hein. J'ai fait une raclette de tomme de chèvre avec des bêtes sancho, qui est un poivre japonais citronné. Oh, oui, et j'ai fait plein de légumes en yakitori, un peu avec ça à côté et tout. J'essaye de. Il y a de la recherche. Et oui. J'ai arrosé tout ça d'un saké millésimé que j'avais trouvé chez IC. Donc voilà, c'est pas une spécialité, mais disons que j'aime bien comme tout le monde quand j'ai pas le temps. c'est pas une raclette. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Non, mais c'est comme la viande, les steaks vegan, c'est pas un steak. Et les œufs en chocolat, par contre, il y a pas de problème. Ouais. Oui. D'ailleurs, la loi, elle va peut-être passer là. Ça y est, ils ont enfin. Ah oui. Bon, bref, mais le lait hydratant, en revanche, il y a pas de. Y a pas de problème. Tu dis ça, tu prêches un coup convaincu. Mon pauvre. Et ouais. En fait, quand j'étais petit, j'ai eu en cadeau La cuisine d'Astérix et Obélix. C'est un livre. Un livre, ouais. Oh, génial. Et que j'ai. Mais il mange que des sangliers. Doré. Non, c'est que des recettes. J'espère qu'il n'y a pas le pudding à l'arsenic dedans. Oh non. Ouais. Petite rêve, ça. Oui. Il y a la potion magique ou. Non, pas. Non, il y a pas. Je pose la question. En vrai, imagine, elle est dedans et ça marche. Oh non, là, tu te fous. Non, il n'y a pas dedans. Non, il n'y a pas. Ok, pardon. Il y a des salades avec des chamallows dedans, par contre. Ah, il y a des trucs n'importe quoi. Ils ont mis n'importe quoi. Comme on mangeait à l'époque des Gaulois. Et j'ai adoré ce livre. Ouais, et écoute, ça m'a... tu fais des raclettes avec des yakitori. Ouais, comme dans Astérix. Oui, un peu. On sent qu'il te juge beaucoup. Non, mais j'invente des trucs, très bon. Et tu connais le poivre dont je parle? Non, pas du tout. Ah, c'est très très bon. Ça te plairait beaucoup. C'est jaune. Non, c'est tout vert. Alors, ça existe sec ou frais. Les bêtes sancho, c'est vraiment délicieux. Je vous conseille C'est du poivre goûter. Un peu citronné, tu c'est dis. C'est du poivre citronné qui passe par plein de goûts différents. J'en ai à la maison, faut que j'en rapporte parce que j'ai mon cousin qui est au Japon et donc j'ai eu la chance d'y retourner cette année et j'en ai rapporté pas mal. Donc j'en ai à la maison. Donc quand c'est frais, c'est délicieux. Et donc t'en mets juste un dans ta bouche et tu vois tout de suite t'as le citron et après t'as l'amertume et il se passe énormément de choses en bouche. Et moi j'adore en fait tous les plats qui sont surprenants sur la longueur. J'adore tous les produits qui te surprennent sur la longueur. Il y a une petite histoire qui se raconte du début à la fin, quoi. Oh là là. Moi j'aime bien les steaks frites. Je suis convaincu. Ouais, ça y est, tu m'as emporté. Mais il faut que tu. Maintenant on n'habite plus aussi à côté qu'avant, mais je t'en rapporterai de. Ok, ça marche. Des bons potes. Des bons potes. On est témoins d'une belle amitié et moi ça me met du beau moqueur. Parce que c'est dur à trouver en France. Et toi, William? William, j'espère que t'aimes cuisiner parce que. Je déteste la cuisine. Je déteste ça. Non, si j'aime beaucoup cuisiner aussi. Je fais des plats mijotés très longs. Ah, c'est-à-dire Des blanquettes. Ah oui. Des plans en sauce. Absolument le grand classicisme oui. français, rien de très un moderne. Petit bœuf bourg. T'aimes le bœuf bourg? J'aime beaucoup le bœuf bourg. j'aime bien. Je fais des rougailles aussi, quelques recettes de pâtes, des plats asiatiques, des poulets gingembre, des salades de bœuf. Des plats asiatiques comme des raclettes, par exemple. Il y a très souvent, il y a de la viande, effectivement, malheureusement. Oui. Bah attends, je fais très peu de plats végé. Ouais. Mais je vais m'y mettre. Ah non, mais. Le dessin. William, est-ce que tu dessines? Est-ce que tu peins? J'ai lu que tu peignais à une époque. Oui, j'ai si tu peins encore. Non, effectivement, j'ai peint à l'huile pendant un moment. Plus que peintre, je crois que ces œuvres avaient un nom. C'était des wheels, effectivement. Ils sont au nombre de 5 et je les donnais à mes amis proches. Je leur offrais des wheels. Très bien. Ouais, voilà. Et tu peignais quoi? C'était surtout des paysages et la couleur qui revenait le plus, c'était le bleu. D'accord. Voilà. Mais t'étais dans ta période bleue à l'époque. J'étais dans ma période bleue, ouais, exactement. Le blue wheel. Le blue wheel. Et non, et quand j'étais adolescent, je dessinais les. Enfin, je faisais pendant la pause en permanence. J'allais en permanence et je faisais des personnages de Dragon Ball Z. Ah, bien sûr. Et c'est resté? Tu dessines encore ou plus du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Sébastien, le dessin? Oui, j'ai vu que mon fils était un frein, le fait que je dessine mieux que lui, ce qui était normal vu que j'étais ne serait-ce que plus âgé que lui. Donc j'ai un peu arrêté parce que j'ai remarqué que tous les trucs que je faisais mieux que lui, juste parce que j'étais sur Terre avant, hein. Ouais. Je veux dire, je suis pas très bon en dessin, je suis pas très bon en tout un tas de trucs, musique c'est pareil. J'évite de le faire devant lui parce que j'ai remarqué qu'il tout de suite il se comparait ou il aimait machin. Oui. Et du coup je préfère qu'il dessine lui plutôt que moi, mais oui j'adorais ça. En fait quand j'étais petit j'ai eu des Astérix. J'ai adoré ça, la non, BD mais Astérix. Tout est lié à Astérix. T'es dans le prochain Astérix. Tu veux jouer Astérix? Non mais dis-le. Toute sa vie a été conditionnée par Astérix. Pas possible. Non, j'ai décalqué beaucoup en revanche quand j'étais petit. J'adorais décalquer. C'est normal. Ouais. Attends. Mais j'ai juste une question. Oh la banalité de ce connard. C'est absolument normal. Non, parce que ça peut être honteux, mais je dis. Non mais juste parce que t'as dit les domaines où je suis meilleur que mon fils, ça veut dire qu'il y en a où il est meilleur que toi? En cuisine, par exemple. Oui, je quel sais âge pas. Il a, excuse-moi? 7 ans. Donc oui j'imagine qu'il est plus, il apprend mieux, il est plus agile. Il est plus agile, ouais. Peut-être qu'il est plus rigolo par instant. Je sais pas. T'as oui. Pu observer l'âge de raison arriver ou pas? Il a toujours été très raisonnable pour l'instant. J'attends, ouais. J'attends le moment. Enfin, où il a un ego surdimensionné apparemment parce qu'il supporte pas qu'on soit meilleur que lui. Non pas du tout. Au contraire, il s'efface en permanence. Non, il est dans les. Ah. J'ai aucun humour sur mon fils. C'est ouais. J'ai non, mais aucun c'est intéressant. Humour. C'est non, intéressant. Non, non, non. Déjà, son fils s'appelle Falbala, donc. C'est vrai qu'il a les cheveux longs comme elle. Mais non, oui, il y a des domaines où il est meilleur. Oui, je lui souhaite. En danse. Ah bah si, clairement en danse. En danse il est ah bien ouais meilleur danseur que moi. Ah ouais. Ça danse très mal. Tu danses très mal. Je dansais pas si mal fut un temps et je danse très très mal désormais. Tu le lis mais... à quoi? Tu le lis à l'âge, au changement de la musique? Non, au fait d'avoir arrêté de danser. Aux lunes. Non, je crois que je danse plus parce que j'ai jamais particulièrement aimé ça, sauf pour faire les spectacles. Oui, bah des fest noz, des danses gauloises, j'imagine. Oui. Je dansais autour d'un feu pendant les banquets, puis bon bah maintenant c'est fini quoi. Pas quand le barde n'était pas lié à un arbre, parce que là forcément il pouvait pas chanter. C'est très dur de trouver un barde désormais, donc je danse plus quoi. Je vais m'encanailler à Provins de temps en temps. Tu danses toi, William? Oui, j'adore danser. Ah ouais, fou de danse? Fou de dance. Ouais, non, j'aime beaucoup danser. Quand j'étais adolescent, j'ai fait de la tectonique. Oh! Et je me suis énormément entraîné. Ouais. J'ai même fait des battles dans une boîte de nuit qui était. Sur du Mondotech, du coup. Ouais, mais bien sûr. Mondotech, incroyable. Tout ça, ouais. Sublime. Palm Beach sur la RN19. Magnifique. Et moi, j'ai le bric contre Robert. Tu avais le supérieur arrière? Oh non mais tectonique, c'est pas ça. Parce qu'il y en avait si t'avais alors tectonique. Ouais. Ouais, pour pieds, moi c'était ça. Les pieds qui faisaient ça. Et il y avait les sopérilles. Moi je non, à Châtelet, ça, ils s'entraînaient, ouais. Ils s'entraînaient comme des fous à Châtelet, ouais, à faire des vraiment être chaud quand même. Ouais, ah bah, c'est dans le j'étais avec les chauds peut-être, hein. Ouais, c'est vrai. Genre toi tu faisais le sopérille avec les chauds de la tectonique qui étaient des gens pour les plus jeunes qui brûlaient des bagnoles, hein. Ouais, tectonique. C'était réservé aux loubards à l'époque, la tectonique. Mais non, mais il y a un peu une comment dire, c'est un peu la tendance de dire que la tectonique c'est de la merde, mais moi j'ai toujours trouvé ça, enfin je sais pas, il y a plein de gens qui disent ah c'était la pire époque et tout, ça va revenir, ça va durer longtemps, ça va pas durer longtemps, c'est beau. Pour moi c'était lié plus à un ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les looks, et les looks ont pris un petit coup dans la gueule, il y avait des slims très serrés, des mèches. Quel look a vraiment bien vieilli, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est plus l'ambiance. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Écoutez, on est ensemble jusqu'à 18h. Non, mais tu sais, c'était les grosses mèches plaquées sur le crâne. C'était... Oui. T'avais le look, toi, tectonique, quand même ? Oui, oui, moi je m'étais fait faire un lissage brésilien. Oh, ouais, ouais. Ça devait être chez Jean-Louis David, dans une cause commerciale. J'avais fait croire à mon père que ça allait durer une minute. Puis il m'avait avec du plastique sur la tête. Il a fait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça a duré 1h30. C'était insupportable. T'avais pas fait une petite mèche de couleur ou un truc comme ça, non ? Non. Mais quand même, lissage brésilien, pas mal. Ouais. Rasé sur les côtés. Ah ouais ? Oh là là, mais on veut des vidéos de ça. C'est très très chaud, il n'y a plus aucune preuve. Non mais c'est vrai tout que t'as brûlé dans l'incendie de la bibliothèque. Non mais il y a très peu d'archives de la tectonique, c'est-à-dire que comme tu dis, tout le monde s'est mis à chier dessus immédiatement, ouais, un quart d'heure après que ça ait commencé. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de snobisme autour, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de preuves de trucs, de machins. Enfin, il n'y avait rien d'honteux. Enfin, je sais pas. Bah moi, 6 mois plus tard, j'avais un béret. J'étais en mode Titi parisien. Et ça n'a jamais existé. C'est l'adolescence, quoi. On passe par divers looks. Ouais, ouais. Voilà, très rapidement. Très très rapidement. L'administration. Alors ça, c'est une cata, moi. Ouais. C'est vraiment horrible. Non, c'est horrible. Ah non, mais vraiment, c'est catastrophique. Toi, t'es bon, William ? Je suis une brêle. Ouais, une brêle. Ouais, une je suis brêle. Vraiment naze. Ok, Seb va être trop fort, bon. Bien sûr. Seb, il est bon. Cela dit, je connais pas d'album d'Astérix où il y a vraiment des gens qui sont bons à ça. Si, un peu dans la. Les 12 travaux. Je connais pas très bien. Il y a assez dans les 12 travaux, justement. Ils sont critiques. Oui, il y a Maison qui rend fou, bien sûr. En fait, moi, j'avais. Mon père était. Le moment où j'allais mourir en deux, en plus. J'allais parler de mon père. J'étais au bord des larmes. J'allais raconter un truc. Ah la vache. Sorry about that. C'est vraiment. Donc vas-y. Non, il était tintinophile et donc il aimait les paléontologues. Il aimait les albums de Tintin énormément. Okay. Et c'est vrai que j'avais une grosse culture de BD à la maison et j'adorais dessiner pour ça. Mais attends, non, c'est pas du tout la question. Enfin, je fais comme s'il avait mal. La BD, c'est insupportable. Dans l'administration, t'as intérêt à t'en sortir. Moi, j'adore. Enfin, j'adore pas l'administration, mais j'aime bien. Ouais. C'est, je trouve que ça me crée des petits challenges dans la vie. J'aime bien quand je dois aller à Pôle Emploi. J'aime bien quand je dois démerder un truc avec le Trésor Public. J'aime bien quand c'est un peu les méandres. J'aime bien quand je dois aller à la préfecture de Bobigny parce que j'ai perdu mon permis de conduire ou que je me suis fait voler mon larfeuille, ce qui m'arrive une fois par an. J'aime bien parce que est-ce que je peux te payer pour faire mes démarches. Alors j'aime pas ça à ce point. Okay. Mais non, mais je tente. Mais je veux dire, tu vis des petits trucs un peu machin. Je sais pas moi, toutes ces espèces d'obligations un peu comme ça qu'on a pour continuer à faire rembourser, payer une amende, enfin peu importe. Je dirais pas que ça me distrait, ça m'emmerde un peu. Je me dis toujours que j'ai mieux à foutre, mais il y a quand même. T'es content de le faire, quoi. Bah, il y a une satisfaction. Ouais, mais exactement. Il y a d'autres moments dans ma vie où je suis en train de vraiment rien foutre. Enfin, vraiment, je suis là, genre par exemple, typiquement, comme tout le monde, je peux m'arriver d'être sur mon téléphone pendant beaucoup trop longtemps et à me dire ça n'a servi à rien. A contrario, quand je vais jusqu'à la préfecture de Bobigny en utilisant la ligne 5, etc., il y a du mouvement, il y a quelque chose, il y a une pensée active. Moi, je vois une fuite en avant, mais je la comprends. Bah non, parce que c'est pour résoudre un problème, justement. Ouais, c'est pour éviter un gouffre, c'est pour éviter une banqueroute familiale, pour pas que mon fils hérite de dettes, tu vois, des choses comme ça. J'aimerais bien avoir cette flamme, mais moi je suis même pas intermittent, tellement j'ai jamais fait les démarches. J'ai jamais été non plus. Mais aussi, c'est aussi une petite peur de l'autorité aussi, peut-être. Hein. Je pleurais à chaque fois que j'étais collé, j'étais souvent collé quand j'étais au collège et je pleurais à chaque fois. Attends, pourquoi t'étais collé ? Tu décalquais des BD ? Non, mais je faisais un peu l'école buissonnière, je faisais un peu des bêtises. Ah ouais, donc t'étais un rebelle mais flippette, quoi. Et je pleurais à chaque fois que je faisais. Moi aussi je faisais ça. Ah ouais, pareil. J'ai eu un blâme conduite en 5e. Oh là là. Ah ouais, moi je pleurais ou pas? Je pleurais, ouais. Ah oui, donc t'étais pareil. C'est curieux quand même ce truc de faire les bêtises, de tester les limites et tout. Toi c'était blâme conduite? Moi c'était avertissement conduite. Moi j'ai eu avertissement si tu avais blâme. Ah oui, c'est là. T'es allé jusque là. Je suis allé jusqu'au j'aime tout. Moi aussi j'ai eu ça en 4e et j'étais collé. Du coup, tout le 3e trimestre, j'étais collé 4 heures tous les mercredis matin. Ah oui, c'est énorme. Ouais, wow. Parce que deux fois avertissement de conduite, quoi. C'est de la tôle. Incroyable. Ouais. Et il m'avait collé avec mon meilleur pote qui était dans ma classe. Donc c'était juste, on passait un bon moment. C'était quand le mercredi matin ? Ouais. Ah oui, donc tu loupais beaucoup, beaucoup de dessins animés. Ah bah ouais, puis enfin, puis je devais me lever. Dans les aventures d'un petit Gaulois peut-être, mais bon. Peut-être. Et son pote un peu plus gros. Voilà. C'est vraiment très marrant. Ouais, c'est sur Astérix. C'est vraiment. Toi, t'avais fait quoi pour mériter ça, William? Une petite insolence. Non, j'étais insolent. Ah ouais, ouais. Tu faisais des blagues, toi? Ouais, je faisais des blagues et tout ça, et puis j'étais dissipé. Mais ça, j'ai jamais trop compris, parce que. Bah si, peut... si. Non mais. Bah sois c'est prof, mon pote. Ouais. Ouais. Bah... quand il y a un agitateur. Oui, c'est relou. Si c'est pas Jean-Pascal. Si c'est pas Jean-Pascal, ça vaut pas le coup, quoi. Et surtout que moi je m'en sortais quand même la moyenne, donc c'était, je pense, insupportable pour les profs. Ah oui, d'accord. Bah moi c'était ça, ouais, en quatrième. Aussi, en fait, il m'avait dit t'aurais dû avoir les félicitations, mais on l'a pas mis parce que t'as avertissement de conduite. Non, mais moi j'avais genre. Et j'étais genre, bah en fait, je suis un génie. Ouais, genre, ça m'a boosté à fond, quoi. Mais moi les profs ils étaient emmerdés parce que j'étais trop bavard, je faisais beaucoup de bruit, je faisais un peu là mon intéressant, mais en même temps je participais au cours des fois. Tu vois ce que je veux dire? Mal. Donc du coup, c'était toujours un truc où ils avaient du mal à me juger, mais en même temps, les profs. Enfin, après, peut-être, dis ça. C'est on n'arrive complètement... pas à vous cerner, monsieur. Non, vous êtes insaisissable. Insaisissable, ouais. Non, mais les profs marrants, bah, je m'entendais bien avec eux aussi. Donc, il y a quand même un truc où tu te dis. Ouais. Moi, si le gars était. Enfin, si la personne en face était un peu sympa, j'ai l'impression qu'on était moins dans la. Oui, mais si tu fais des blagues qui vont un peu dans le sens de la conversation. Ouais, mais ça va, je pense. Mais t'as des profs qui détestent. Non, t'as des profs qui détestent, franchement, genre. Bah parce que tu fais ton intéressant et que t'es un enfant, je pense que c'est ça qui les énerve. Ah mais moi je disais quoi couber, tu vois. Ah oui mais c'est ça, tu à l'époque déjà. Mais tu fais t'es les crampetés. Ouais ouais. Donc les profs ils disaient on comprend même pas ce que ça veut dire, tu vois, je disais vous verrez. Dans 20 ans. Mais après t'as raison, il y a des moments où ça se passe bien. Parce que moi j'ai commencé en mettant de l'étain que j'allais piquer en cours de techno. Oula. Dans les serrures pour pas avoir cours. Ah oui, donc des trucs vraiment chiants. C'est dans quel album d'Astérix? Après avoir poignardé un élève. Mais après au lycée j'ai rencontré des adultes avec qui comprenaient un peu plus mon humour. Ça c'était pas de l'humour avant. Non, c'était du sabotage. Peut-être c'est là la différence. C'est qu'avant juste t'étais agressif. Je mettais du plomb dans la bouffe. La bande à Baler tout bonnement, quoi. Vraiment un terroriste, ni plus ni moins. Comprenez pas mon humour. Bah, t'as tué 18 élèves, donc oui. Alors qu'au lycée, beaucoup plus chill sur ces blagues. Beaucoup plus chill. Non, mais je faisais pas les mêmes blagues, je répondais à la place de la CPE. C'est nul comme blague. Ah non, il y avait le téléphone de la CPE qui sonnait, et si elle était pas là, j'allais répondre, etc. Ou oh, mais non, mais t'étais le téléphone, je disais, oh, c'est qui, machin. Et après, il me punissait quand même, mais on rigolait bien. Oui. Et il se disait, celui-là, il fera du cinoche. Et bah, ouais. Banco. Et bah, tu devrais faire du théâtre. Ça, c'est ce qu'on dit à n'importe quel mec qui imite, je sais pas, des trucs au lycée. Oui, moi, j'avais un copain qui refaisait la scène du cinquième élément, là, Corben Dallas. Je sais pas. Ah oui, Chris Tucker. Chris Tucker. Ouais, et tout le monde lui disait, il faut que tu fasses du théâtre, c'est trop drôle. Vous savez qui fait la voix de Chris Tucker en français? Parce que c'est très surprenant. Tom Novembre. Ah ouais. Je sais pas si vous visualisez Tom Novembre, c'est lui qui fait. Ruby Road, c'est lui qui fait la voix de Chris Tucker. C'est du whitewashing pour moi. Il a cancel Tom Novembre en une émission. Une mère de famille accuse une juge de laisser traîner en longueur la procédure pour récupérer la garde de ses gosses. Mais pourquoi la juge ferait-elle une chose pareille selon cette mère de famille? C'est la belle mère des enfants, c'est la nouvelle femme de son ex-mari. Attends, j'ai pensé direct à ça moi aussi. Ouais, bah, non, mais. C'est une mère de famille. Elle a les gosses chez elle, elle dit bah je les aime bien donc. C'est trop con qu'ils partent. Une mère de famille. Ils font trop marrer. Elle est en train de juger la garde de ses gosses. Sauf qu'elle se dit, c'est un peu long. Elle est en train de juger la garde de ses gosses. Enfin, elle est en train de vivre le jugement. Est-ce que c'était sa bully de collège et du coup elle se venge? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, oh. Pas du tout, tu peux juste dire non. Non, mais parce que je voulais expliquer à Sébastien. Pardon. Mais parce que j'ai le fait que je t'ai coupé la parole, t'as. Non, t'as pas, rien, du mais j'ai compris. Non, pas du tout. Pardon. La mère de famille, elle accuse la juge de laisser traîner en longueur la procédure pour et récupérer la garde des enfants. Ah oui, d'accord. Elle dit non, mais là la juge elle est bizarre, elle laisse traîner, c'est trop long. Pourquoi ça met autant de temps? Il se roche là, qu'est-ce qu'elle fait la juge? Exactement. Je suis en train de recréer la scène un peu. Il faut qu'il fasse des dialogues de théâtre pour sinon il comprend. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à cette juge là? Pourquoi elle traîne dans un petit intermède. Peut-être qu'elle a. Il y a une bagnole qui démarre. J'allume mon Solex. T'as dit quoi? J'aime mon Solex. J'allume mon Solex. Je croyais que c'était une pub. Comme sur Amazon, il va non, y avoir mais William et... Ouais, et Jerry Solex. C'est pour ouais, ça. Ouais, il fait Jerry Solex. Dans toutes les émissions, il oublie de la citer. On sent que vous essayez de placer des trucs. Il y a quelqu'un qui est peut-être sponsor Dupuis, peut-être. C'est Hachette. Hein, elle traîne en longueur. C'est pas une vraie juge. Ah c'est, si. C'est Jury Duty. C'est non. Deux. Tu as beaucoup de nourriture dans la bouche, Sébastien. Non, est-ce que c'est parce que. Non, est-ce que c'est parce qu'elle lui en voudrait personnellement de quelque chose? Non. C'est pas une vengeance. C'est pas du tout une vengeance. Ah, c'est parce qu'elle l'adore. Là, elle est influenceuse. Non. Et elle se dit, ouais, si elle a ses gosses, elle fera plus de vidéos et du coup. Non, je sais pas. Non, mais c'est, on s'approche. En tout cas, c'est un truc parce qu'elle l'aime bien. Elle aime les gosses. Elle est amoureuse d'elle. C'est ce dont l'accuse la mère de famille. Wow. C'est-à-dire que dans une interview donnée au New York Post, la mère elle assure. Dit, ah non, si on se met ensemble et qu'elle a des gosses, c'est trop chiant. Elle assure que la juge Cynthia Lopez, 47 ans, fait très en longueur la procédure pour récupérer la garde des enfants de manière incompréhensible. Mais à une semaine de la prochaine audience, elle dit avoir reçu un message envoyé par cette même juge sur l'application de rencontre échangiste Free for Fun. Oh. Southland indique que la juge ne pouvait pas ignorer à qui elle envoyait le message puisqu'elle utilise sa vraie photo sur cette application. Sur son profil, la juge indiquait être en couple pour des échanges complets, cherchant à s'amuser de manière sexy et torride avec d'autres couples et des femmes célibataires. Au New York Post, la mère de famille a émis l'hypothèse que la juge Lopez ralentissait son dossier de garde parce qu'elle essayait tout simplement de sortir baiser. Avec elle. Ah ouais. Enfin voilà, de la baiser. Oui, là, sûrement, d'une certaine manière. Voilà. Et donc du coup, c'est incroyable. Mais elle c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, mais c'est pas avéré. C'est pas avéré. Oui, c'est pas avéré. Mais il y a un message de la juge. Elle a fait j'espère qu'elle a fait un screen du message, quoi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'elle a. Ah, elle l'a fait. Et la le message dit quoi? Coucou. Salut la miss. Salut la miss. Salut la miss. Mais attends, elle est con, la juge, quand même. Non, mais elle voit que c'est la meuf. Elle vient d'en prendre une petite, la juge. Elle voit que c'est la meuf. Oui, c'est curieux. Non, peut-être qu'elle s'est dit. Je sens que ça lui plaît aussi, et en fait, pas du tout, tu vois. Ouais, c'est... mais quand, j'imagine qu'il y a une déontologie qui fait que tu vas pas baiser les gens. C'est tout le problème, c'est tout le sujet. Qui tout le sont en train de perdre la garde de leur enfant. Des gens qui vivent un drame. Alors déjà, c'est vraiment un kink curieux, quoi. Et c'est toi qui décides de leur avenir, peut-être que tu vas pas te dire. On baise. Je dirais dans attends, d'abord baisons. Et ensuite, on va. À minima, la relation. Dans l'entretemps, baisons. À minima, la relation part mal, disons. On part pas sur les chapeaux de roue. Non, mais en l'occurrence, la juge s'est récusée et ne va plus gérer l'affaire. Donc voilà, tout est voilà, normalement ça devrait mieux se passer. On parle de mère de famille. Oh là là, regardez-moi la transition que je chope au vol. Il en est question dans le film dans lequel joue William Lebgill. Bien sûr, incroyable ça. Alors j'allais dire comédie dramatique. C'est surtout un film. Moi j'ai eu la chance de le voir. C'est un film très beau. Il y a un peu d'humour, merci. Mais c'est un film vraiment très touchant, très émouvant sur l'histoire d'un fils qui doit s'occuper d'une mère maniaco-dépressive, voire bipolaire en fait. D'ailleurs, exactement. C'est ouais, ça, ouais, ouais. Qui est interprété par Agnès Jaoui. Bon délire, ça déjà. Très bon délire. Ouais, ça très, s'est bien passé. Ouais, bah ouais, elle est ouais. Incroyable. T'étais fan de base ? Je suis fan de base et je suis toujours fan. Et ouais. Ouais. Voire et plus. Elle est exceptionnelle. Et elle fait bien jouer les acteurs. C'est ça ? Ouais. Oui, surtout que son rôle, il est pas, enfin, le tien non plus, mais son rôle, il est pas simple parce qu'elle joue quelqu'un effectivement de bipolaire. Elle fait quelqu'un de bipolaire. En gros, l'histoire, c'est ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu et elle s'échappe de l'hôpital psychiatrique et le film en consiste. C'est le moment où moi, je vais essayer de la ramener à l'hôpital, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc, ça, parce que outre le sujet, il y a un truc vachement bien sur la responsabilité qu'on a à un certain âge de nos parents, ouais. En fait, de devoir gérer son parent, parce que là, en l'occurrence, c'est un profil. Le mot extrême est peut-être pas le bon, mais c'est un profil atypique, disons, ouais. À minima. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc sur devoir gérer ses parents et que c'est difficile, quoi. Bah c'est, ouais, carrément. Enfin, le réalisateur, lui, il a vécu cette situation. D'accord. Parce que sa maman est bipolaire. Ok. Et du coup, il a dû être responsable très, très jeune, en fait, quoi. Donc on demande aux enfants de sauter un peu une étape de vie, quand même. C'est ça. D'être très mature et très, très construit très vite, quoi. Exactement. En tout cas, c'est un très joli film. On en reparlera à la fin de l'émission. Mais moi, c'est au cinéma. Ça sort ce mercredi. Ça sort mercredi. Il y a plein de gens super. Hein. Il y a toi, Agnès Jaoui, mais il y a aussi Alison Mueller. Il y a Salif Cissé. Très aussi. Très marrant, Salif Cissé. Excellent. Parce que c'est un des personnages les plus drôles du film. Il est très très très fort. Ouais, je l'adore. Ouais, très très bon acteur. Et c'est vraiment un film. En fait, j'ai été surpris parce que je m'attendais vraiment à voir une comédie dramatique. Ouais. Et bah, je vous le dis, j'ai pleuré. Non, mais je vous le dis comme je le pense. Il est ravi, regardez-le. Il a un sourire jusqu'aux oreilles. Il est ravi que je chiale. Non, c'est vraiment un très beau film. C'est vraiment un truc. Et qui n'est pas non plus un film larmoyant ou quoi que ce soit. Quand je dis que ça fait pleurer, attention, c'est pas du tout. Pathos. Non, mais c'est pas pathos sur la maladie ou des choses comme ça. Justement, il y a même. Oui, c'est même touchant. Exactement, touchant, assez solaire. Il y a des très belles scènes musicales. Subtil, je peux pas vous dire mieux. Il y a la chanson d'Arnaud, Les yeux de ma mère, qui est tout simplement une de mes chansons préférées. Ah, donc voilà. Non, c'est un super film. C'est un premier film. C'est d'autant plus impressionnant parce que c'est un premier film. Et voilà, c'est au cinéma ce mercredi. Ça a eu un prix à Angoulême, j'ai vu en plus. Oui, on a eu le prix du public à Angoulême. Joli. Et j'ai eu le prix d'interprétation à Valenciennes. Oh, allez là, que tu as mis à côté de ton gros singe rouge, car tu as aussi eu un prix à l'époque à l'Alpe d'Huez. J'ai eu le gros singe rouge. Le gros singe rouge, voilà, sublime. Ouais, tu l'as mis où, toi, dans ta. Parce qu'il prend la place, ce gros singe rouge. Je l'ai exposé de manière vraiment. Ostentatoire. Ouais, complètement ostentatoire. Plein milieu du salon, voilà. Sur la table. Regardez ça. On peut pas voir la télé, mais malheureusement. Ouais. Effectivement, c'est compliqué de regarder un film. Grenoble. Un homme vient de prendre 4 mois de prison car il a été horrible contre son voisin. Que lui a-t-il fait ? Peur. Il lui a fait peur. Alors il lui a pas fait peur. Il a jeté un coq fou. Les guilis. Il a fait des guilis. Est-ce que c'est un truc de nuisance sonore ? Oh oui. Il pétait. C'est ce que j'allais dire. Il pétait contre sa porte. Putain, mais vous êtes deux bons potes, hein. Ouais, bah. Il ne pétait qu'on pas. On a énormément de points communs. On a un point commun. Ah ouais ? Vous avez un point commun, vous jouez dans Nous les Leroy, le 10 avril au cinéma. Non, mais je me permets. Arrête. Je sais pas si les gens sont au courant, alors je préfère le dire. Oui. Ils doivent l'être. J'espère qu'ils le sont. Non, c'est effectivement un truc sonore. La musique ? T'as un truc de musique ? Alors oui, mais en fait, c'est pas vraiment la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à votre avis ? Parce que c'était Gérard Lenormand, son voisin, et voulait lui montrer qu'il connaissait toutes ses chansons et qu'il avait tous les albums. Alors attends, il faut trouver la raison pour laquelle il l'a emmerdé ? Ouais. C'est encore un truc d'amour comme avec la juge ? Non, enfin, pas du tout. De cul ? Non, pas du cul. De haie ? De ? De haie ? C'est-à-dire de haie. La haie dans le jardin. Ah non, ah, c'est vrai que souvent c'était. Il y a des problèmes de haie. Ouais, tous les trucs de Julien Courbet, souvent c'était les haies du voisin qui dépassent. Qui dépasse, qui est un arbre qui. Non, là c'est vraiment un truc de bruit, c'est vraiment dans un immeuble. Est-ce que c'est le. Ah ok, c'est pas le. Vous savez qui est. Il marchait en talons. Le père de Yves Calvi. Il s'appelle Alain Calvi, je crois. Ok. C'est lui qui a fait la musique de beaucoup de Astérix. Bon, qu'est-ce qui se passe, Seb ? Qu'est-ce qui se passe ? Notamment, je crois, de Cléopâtre, si je dis pas d'annerie. Je suis sans fil, hein. Ouais. En plus, t'es sans fil. Sans filet, tu veux dire ? Non, il est sans fil. Il lui mettait les trompettes d'Avignon, c'était un acteur. C'est un téléphone sans fil. Non, mais là, tu fais un AVC, par contre, là. Tu es en train de faire une... Excusez-moi, pardon. Oh là, les trompettes d'Avignon, justement. Un Boeing. Est-ce que c'est un rapport avec ce que vient de faire William ? Non, pas du tout. Non mais en fait il le détestait, son voisin. Alors je vais vous le dire. Il voulait l'expulser, il voulait qu'il s'en aille. Non, c'est juste son voisin faisait un peu de bruit à cause de leur bébé. Et ça l'énervait. Le bébé faisait du bruit. Le bébé faisait du bruit. Ah, il mettait des comptines très fort. Alors non, pas des comptines très fort. Attends. Comme parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Son voisin fait du bruit. Le bébé fait du bruit, donc pour se venger, il a fait plus de bruit, c'est ça ? Tout le temps. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous expliquer un petit peu son plan machiavélique, car il est machiavélique. Tu vas donner la réponse, hein ? J'y allais. Tu trouves que je suis allé vite ? Bah, je sais pas. C'était le principe du jeu, non ? Oui, mais parce que j'ai d'autres questions, c'est pour ça. Non, mais bien sûr. Je déteste. Non, mais je te donne un parce qu'il y en a plusieurs. Tu vois, je te donne un des trucs qu'il faisait. Ouais, donc, le bébé pleurait, et donc, en vengeance, il plaçait par exemple son aspirateur, son blender et son mixeur près du mur, et les faisait tourner à fond la nuit, parce qu'en fait, il avait un autre petit endroit pour loger. Donc en plus là où c'est vraiment une ordure, c'est qu'il laissait le truc allumé toute la bébé, nuit. Faut être fou quand même. Excellent. Il a pris 4 mois de prison. Il a un truc. Il a pris 4 mois de prison. Ah oui, ferme. Oui, oui. Ah oui. Je sais pas. Non, je pense avec sursis pour un truc comme ça. Je pense pas que c'est ferme. Mais voilà, il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à votre avis ? Bah de la musique très fort, j'imagine. Pas de la musique très fort, c'est plus pervers que ça. Des imitations. Pas d'imitations. Ah, il a cherché genre. Télé. Pas la télé. 10 heures de pleurs d'enfants sur YouTube et il l'a. Waouh. Putain, très bien joué. Alors, pire que ça, pardon, non, c'est pas vraiment la bonne réponse, mais c'est avec des pleurs d'enfants. Bouh. Non. Attends, c'est avec. C'est encore plus pervers. Il a acheté des bébés. Ah, il a enregistré son fils et il lui a rediffusé le son. Le fils du voisin, exactement. C'est ça. Il a enregistré le bébé qui pleurait quand il pleurait. Et ensuite, il rediffusait en boucle, en shuffle peut-être, en tout cas. Je pense qu'il a enlevé les basses un peu, il a boosté les aigus. Il a mixé, ça va vite maintenant, avec les IA. Tu fais un passe haut. Et il l'a mis à donf, à fond, dans l'appartement. Pourquoi se donner autant de mal pour nous faire ce mal ? C'est ce qu'a dit la personne. Deux fois le mot mal, il aurait pu trouver. J'allais dire, c'est un petit solar pour moi. Dans son T3, cet assistant de vie scolaire a décidé de placer contre l'un de ses murs mitoyens. Assistant de vie scolaire ? Bien sûr. Il adore les enfants, apparemment. Il adore ça. J'ai vomi un peu, pardon. Aucun problème. On est sur deux gros dégueulasses d'invités. Oh, j'ai vomi, pardon. Non, t'inquiète. Le micro est recouvert de morve de Williams. Donc, tout va bien, t'inquiète. Mais après on le revend sur le bon coin, c'est là où on se fait un peu de thunes. La raison, il s'est longtemps perçu comme une victime de ses voisins. Tranquille pendant une dizaine d'années dans cet immeuble majoritairement occupé par des personnes âgées, il a vu la tendance s'inverser au fil du temps et a été de plus en plus dérangé tôt le matin, en soirée et le week-end. Se sentant visé par ses voisins, il a décidé de mener une contre-attaque en mettant en route ses appareils pendant qu'il allait dormir de son côté dans un garage qu'il louait. C'est pas un autre appartement, c'est dans un garage. Il dormait dans un garage juste pour faire chier le gars. C'est vraiment, ouais. Il fait du bruit à toute heure du jour et de la nuit. Il met des vibreurs qu'il colle au mur, passe l'aspirateur à 23h, il met des coups, la radio à fond, il joue du tam-tam à des heures improbables. Okay. Mais attends, là on parle de qui là, non, là c'est le voisin fou. Ah ok, le bébé, oui. Il met des vibreurs. Non, mais le bébé jouait du tam-tam. Après, si ça avait été ça, j'aurais compris le gars. Si le bébé, en plus de pleurer, il passait l'aspiro à 23h. Votre bébé est en train de faire le générique de Ça se discute. C'est ridicule. Bonjour, monsieur. Comment ça, littéralement, pour moi. Manu Dibongo. Il faut citer l'artiste, quoi. L'homme s'est quand même défendu. Quand je suis chez moi, j'ai besoin de calme. Le moindre bruit qui n'émane pas de moi me perturbe. Ça n'a c'est mon ancien voisin. Ça n'a malheureusement pas suffi à l'empêcher de faire 4 mois. Cela dit, j'ai quand même vécu un peu. Pas aussi c'est extrême, vrai. Mais j'avais. Tu peux dire. J'avais un voisin avant qui se plaignait du bruit dans l'immeuble. Lui, il habitait au 7e étage et il disait : moi, j'entends quand on claque la porte dans la cave. Waouh. Donc c'était la sentinelle. Mais il était persuadé que c'était du coup moi et mon ex qui étions la source de tous les bruits de l'immeuble. Et en fait, parfois à 4h du mat, on se faisait réveiller par un bruit, mais genre un bruit de comme si tu lâchais une boule de bowling sur le sol, quoi. Ouais. On comprenait pas. Et on a appris des propres aveux du gars à quelqu'un d'autre que en fait le mec il disait ouais, mais en fait. J'ai trouvé un endroit dans mon appart où vraiment si je tape un truc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et du coup à 4h du mat il prenait une chaise et il tapait sur le sol pour faire chier quoi. Ah ouais. Pour dire bah là ouais, ils vont apprendre et tout. Et le mec a dit non mais je me demandais ce qu'ils faisaient du bruit chez eux. Et j'ai trouvé j'étais dans la rue et j'ai vu le mec donc moi faire à repasser. On ne possédait même pas un fer à repasser. Ni une planche, ni rien. Qui est en plus un truc qui fait beaucoup de bruit. Et il le lâchait, il le posait volontairement très fort sur la partie métallique de la planche à repasser. Donc le mec a inventé ça. Je sais pas d'où il sort, mais on n'avait pas c'est de. C'est hyper nul. Et du coup, il a dit donc, du coup, moi je tape une chaise à 4h du mat et tout. Donc une personne. Mais il allait pas très bien, ce monsieur, visiblement. Bah non. Visiblement. Bah non, d'ailleurs, le voisin dont moi je parle, l'expertise psychiatrique souligne effectivement une solitude familiale, un isolement amical et affectif total et relève des traits de persécution. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, en tout cas. Oui, oui. Il fait un peu de tôle. Vous avez déjà vécu. Ce qui va arranger ses problèmes mentaux, mais à fond. Bah, la prison, je crois que c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de bruit, quoi. Enfin, ouais, non, ouais. Tu dors sur tes deux oreilles en prison. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires reloues avec des voisins, toi, William, par exemple ? Non, jamais. Non. Franchement, non. C'est peut-être moi qui suis un peu relou. Parce que quoi ? Parce que des fois des fêtes, parce que oui, des fois... quelques fêtes, mais pas tant que ça en plus. Non, franchement. Bah, le bruit du gros singe qui se déplace aussi qui dès que tu le poses mais c'est même en fait bruit. Même mes voisins quand ils font du bruit en fait ça me dérange pas ça me rassure limite je ah ouais, en fait d'accord. J'ai jamais été me plaindre d'un voisin. Ouais non, ah, non bah, je... t'es bonne patte on peut dire ouais, que t'es bonne patte. Bah je suis bonne patte, on habite à Paris des immeubles oui, c'est mal oui, isolé à un moment donné bon. Non mais oui moi je trouve que t'es obligé de tolérer une sorte, enfin quand t'es dans un immeuble c'est obligé qu'il va y avoir puis un loyer bruit, est si peu cher donc oui c'est sûr c'est pas grave c'est sûr, quoi voilà, ouais. Ça doit être un peu pareil toi pas trop oui, avec les voisins. J'ai jamais appelé les flics parce qu'il y avait un problème de bruit, je suis d'accord avec toi, enfin les gens, enfin moi on en a profité pour faire des fêtes nous aussi voilà, donc il y a pas de, enfin j'en fais plus depuis longtemps chez moi mais parce qu'il y a plus l'ambiance à ça. Ça va pas hein. Deux secondes. J'ai plein de problèmes. C'est le moment de te moucher là, William. C'est dommage. J'ai beaucoup de problèmes de. Après, il y a le montage. J'ai des dégâts des os en pagaille. C'est plutôt ça mes problèmes. Oui. J'ai les chiottes du voisin qui ont débordé plus d'une fois au-dessus. Ouais. Il ne savait pas se servir des chiottes. Mais c'est vraiment. Ah non, c'est atroce. C'est pas cool. Si, en ce moment, j'ai une voisine du dessous parce qu'on a un énorme problème de l'immeuble qui s'effondre à cause d'un tassement différent. référentiel pour rien vous cacher. Et donc, qu'est-ce qui paye ? La copro. Et c'est que des propriétaires dans l'immeuble, donc ça tombe bien. Sauf que la voisine du dessous, dernière âgée, elle dit bah, moi, je vais me foutre en l'air. Voilà. Donc, c'est ça. Attends. Parce qu'elle veut pas payer, parce que c'est des sommes monstrueuses à sortir. Ah oui, j'imagine. Elle dit donc, je me fous en l'air. Voilà, c'est ça. Ce qu'il me permettre, pour moi, c'est du chantage. À mes yeux, c'est du chantage. La marge de négociation est quand même faible. Je suis un peu fatigué de. Si, moi, parfois, je suis un peu fatigué des. Mais j'ai jamais eu de problème avec des jeunes. Enfin, je veux dire, tu vas leur parler, tu dis ouais, les gars, Vous pouvez baisser l'écran de thé un peu, les mecs, là. c'est la Switch. On peut dire que tu as fait un mauvais placement financier. Ah oui, tout à fait. Ouais, mais ça, c'est. Tu t'es complètement planté. J'arrête pas de me planter. Bah, ça m'apprendra à aller en banlieue aussi. Plutôt que d'être à Paris. Et j'ai pas de. Si, je dois en avoir des anecdotes de voisins. Mais celle qui me laisse se foutre en l'air est pas mal déjà. Entre celle du dessous qui veut se foutre en l'air et celui du dessus qui chie énormément. Qui chie sur toi littéralement. Je trouve que c'est des bonnes anecdotes de voisins, moi. T'aurais de quoi être plus que. Enfin bon, un peu ronchon quoi. Voilà, ouais. J'ai plus de vocabulaire. Peut-être tu peux te moucher. Bouge-toi. Ça va. Oh là là, une étoile filante. Aux yeux et ça. Un TikToker s'est lancé un défi lors de son dernier voyage à Disney World. Quel était ce défi? Oh là là, il dégueule déjà. Faire tous les manèges. Non. Ok, vivre. Aller au parc Astérix. Parce que toi t'es plus préfère pas Astérix, c'est ça. Ouais. La merde Disney World. Ah Disney World, qu'est-ce que c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est commercial. Ils ont tout copié sur Osiris et sur le. Le tonnerre de Zeus là, ouais, ça c'est une vraie attraction. Ouais. Chercher une deuxième attraction. J'y suis allé le 1er janvier au parc Astérix. Mais sympa. Avec mon fils. 2024 Ouais. Là, il y a peu de temps. Tu es fou d'Astérix en fait. Je savais pas particulièrement. Non. Arrête, quel menteur. À d'autres. Non mais j'aime bien, mais je connais très mal en vrai. C'est juste la cuisine. Comment d'Astérix il s'appelle le héros là, j'en sais rien. Astérix. J'ai même pas lu l'Iris Blanc, le Fab Caro là. Et qui dessine maintenant? C'est toujours Conrad. C'est un peu la métaphore du bateau de Thésée. Ah bah putain. Ah bon, vas-y. De quoi? Bah non, mais on verra plus tard. Je fais du teasing pour la fin, vas-y. Du teasing du coup. Ouais, vas-y. J'ai rien compris parce que 17 dernières secondes. Non mais en vrai, je précise parce que j'ai essayé de citer ce truc la dernière fois, je sais plus de quoi on parlait dans le Floodcast. Oui. Le truc du bateau de Thésée, c'est tu sais genre tu remplaces chaque pièce du bateau. Ah oui. À tel point qu'il n'y a plus une seule pièce d'origine et du coup c'est est-ce que c'est toujours même bateau ou est-ce que bah là du coup c'est un peu ça avec Astérix parce que c'est plus la même personne qui écrit, bien c'est sûr. Plus la même personne qui dessine et du coup c'est tu ça. Dis est-ce que c'est encore Astérix ou pas? Moi j'ai envie de dire oui. Alors Sébastien, mais moi je aussi, sens que moi aussi, mais là où c'est le plus réussi, le plus probant, ça reste Émile Bravo quand il a repris Spirou. Oui. Ouais. Là je trouve ça formidable. C'est 3+1. Ouais. C'est vraiment très très bien ce qu'il a fait. Je crois que j'en avais déjà parlé. Mais parce qu'ils se permettent, malgré tout. Parce qu'ils se permettent de faire. Il se permet. Pardon. Oh l'idiot, il m'a eu. Spermé et Fantasio. Non mais voilà. ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Enfin ce qu'ils veulent. De d'emmener la franchise ailleurs. Alors qu'Astérix, tu peux pas. Oui, il y a un cahier des charges plus violent. Comme ils font par exemple avec les Marvel. Ou Lucky Luke. Mais Lucky Luke, ça, moi je suis trop content qu'ils ouvrent. À Laurent Gérard, déjà. Blin, ouais. À Laurent Gérard, puis Bouzard a fait un Lucky Luke aussi. Enfin, et non, mais vraiment, t'es le pas trop BD. Bravo, ici. William déteste avant de dessiner. Ouais, moi j'étais DBZ en fait. C'est ça. Ouais. Donc j'étais manga. J'ai lu quelques Achille Talon. C'était bien Achille Talon. J'aimais beaucoup Achille Talon. C'est une des rares BD pas adaptées au cinéma d'ailleurs. Shell, c'était dans les Shell. Ah oui, dans les stations Shell, bien sûr. Les Indiana Jones, t'as eu aussi les Indiana Jones. Ah oui, bien sûr. Dans les stations essence. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et les DVD Universal d'humour du boss Bigard Jaune. Si vous vous souvenez de ces DVD. Ouais. Excellent. Souvenirs qu'on débloque. Ouais. Mais ça nous dit pas ce que ce TikToker s'est lancé comme défi. Il a évité toutes les parades. Excusez-moi. Non. C'était un éternuement. Visuellement, c'était clair, mais peut-être qu'à l'audio, ils vont faire quoi? Le mec, il a juste dit attendez. Ok. Il est devenu un véritable kung fu. Faut que je hurle, pardon. Il fait du kung fu. Faut que je fasse les bacs d'un morceau de rap. Donc, oui, ce TikToker. Ouais, donc c'est visuel, c'est faire la queue, il a pris aucun fast-pass. Non. Est-ce que c'est un truc qui pas d'argent en fait, ouais. Est-ce que c'est un truc qui fout un peu le bordel dans le parc? Pas du tout. OK. Pas du tout. Écoutez-moi bien. Fait tous les restos? Pas tous les restos. Je crois que Sébastien déteste cette question. Je crois qu'elle ne... ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie de deviner vraiment. Si, je suis à fond. Il est. Je sais non, pas. Non, mais c'est une semaine de danse. Pas une semaine. Moi, je sais pourquoi il est comme ça, Sébastien. Un an dedans. Trois jours? Non. Je sais pourquoi t'es comme ça. Parce que toi, tu détestes quand les adultes vont pervertir les trucs destinés aux enfants. Ouais, c'est vrai, j'en ai déjà parlé de ça. Parce que toi, t'avais parlé du fait que les gens qui spéculent sur les cartes Pokémon, ça t'avait rendu fou de rage. Oui, ça m'a marqué. Non, mais sur les jouets et sur le jeu vidéo, d'une manière. Je suis d'accord avec toi, et du coup, je pense que c'est ça. C'est que tu t'es dit, oh, TikToker, allez, il est allé tout gâcher là. Oui, voilà. Bah, pas du tout. Non, pas du tout. Mais tant mieux. Bah, écoute, ça. Il n'y a pas tout gâché. Du coup, je suis content. Il a fait une sorte de Koh-Lanta. Un Pékin Express. Non, c'est vraiment. Les yeux fermés, il a tout fait les yeux fermés. Non, c'est pour rentrer. Bon, tu. Qu'est-ce que t'as avec ce. Ce mec. C'est pour rentrer dans le parc. C'est par rapport au fait de rentrer dans le parc. Sans payer? Alors, c'est pas sans payer. En payant à plein de gens. Il est rentré en costume de Mickey. Il n'est pas rentré en costume de Mickey. À poil. Savez-vous d'ailleurs qu'il y a un menhir à l'entrée de Disneyland? Car le parc Astérix avait offert un menhir au parc Disney. C'est généreux. Mais non, trop là. Non, je sais pas si. Oui, l'expert. Si, je le bassure, je le savais. Non, pour rentrer, qu'est-ce qu'il a utilisé, à votre avis, pour rentrer? Utiliser. Il a utilisé quelque chose pour rentrer dans ce parc et c'est un peu dingo. Attends, c'est dingo. Et je parle pas de dingo là. Bien sûr. Est-ce qu'il a utilisé genre pour payer? Genre comme. Oui, des pièces. Pas pour payer. Des sisters. Bah, des sisters. Pour ne pas payer, il a sorti sa carte Mickey de quand il était petit. Alors, c'est ça, mais c'est encore plus fou que ça. Il a. Ah, le sous-fétiche? Non, pas le sous-fétiche. Il a sorti un billet qui date de 1978 et qui marche encore. Et je ne comprends pas comment c'est possible, parce que pour moi c'était des QR codes dans le parc Disney. Attends, mais en gros, il avait un ticket jamais utilisé. Ah, vieux. Un ticket, t'as dit un billet. Et je pensais que c'était un billet. Oui, non, oui. Excusez-moi. Pardon, je pensais que c'était un billet. Moi, je pensais que c'était un billet de monnaie aussi. Oui, aussi. Moi aussi j'étais là, un billet, oui. Bon, écoutez, je vous présente le billet de 100 dollars. Je vois bien. De 78. Non, il avait un ticket datant de 78, il a mis dans le truc et ça marche, dis donc. Putain, beau défi ça. Eh, pas mal, hein. Vraiment. Pas mal. Vraiment le meilleur TikTok, je pense. Quel le meilleur truc qu'il a fait. Ah, ça marche. Salut tout le monde, merci. Ouais, ça marche, on en parle aujourd'hui, un billet vieux de 46 ans. Parce que, est-ce que ça kiffe les parcs d'attractions autour de la table? C'était ça ma question à la base. Est-ce que. Alors, moi, j'adore l'ambiance des parcs d'attractions, ouais. Genre Europa Park. Les familles qui s'engueulent. Non, mais en fait, j'aime bien le côté un peu carton-pâte, univers factice, un peu nul. De la même manière que j'aime bien l'ambiance des stations de ski, parce qu'il y a un côté un peu fabriqué, sorti de nulle part, un peu artificiel que j'aime bien. Et pas écolo aussi. Pas écolo. Ouais, moi, si on peut niquer vraiment la nature, ça me régale. Toutes les attractions aquatiques qui vraiment gaspillent de l'eau à fond, j'adore. Mais après, je suis pas fan des attractions particulièrement. Genre les trucs à sensation et tout, j'en fais une, après je fais oui, bon. Ah, c'est rigolo, moi c'est l'exact inverse de tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que l'ambiance. Va te faire foutre en non, fait. Non, mais ça veut pas dire que t'es mieux que moi ou que je suis mieux que toi, mais. Non, l'ambiance des parcs. Je suis plus subtil, moi. Je suis t'as peut-être gardé ton âme d'enfant. Moi, l'ambiance peut m'oppresser un peu des parcs. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et des choses comme ça. Ça dépend quand tu vas. Ah non, mais tu te doutes bien que s'il y a beaucoup de monde, je déteste. Bah oui, non, mais bah, souvent il y a du monde quand même. Non, pas le 1er janvier. Non, 1er janvier, Astérix, c'est SNPR. Non, en vrai, tu vas hors printemps-été, il y a déjà beaucoup moins de monde. Oui, les... peut-être. Bah, peut-être. Oui, non, c'est pas peut-être, je te le garantis en fait. Mais moi j'aime bien les attractions, les sensations fortes et tout. Toi, William? Moi, les deux me plaisent. T'aimes le parc, quoi. J'aime le parc. J'aime pas les... C'est vrai que j'aime pas quand il y a trop de gens, mais j'aime le parc. J'aime qu'il soit pas trop vide. Quand même. Bah, oui, c'est ça. Faut que tu fasses si tu fais pas la queue 30 minutes. Parce que si c'est vite, c'est bon. C'est, bah non, mais toi, ça, tu... là, ça peut m'angoisser aussi. T'es rassuré par le bruit des voisins, donc on se doute que t'as besoin de présence quand même. Ouais, j'ai besoin de présence et j'aime beaucoup les attractions, à part les attractions où t'as. Où tu subis des chutes. Ah oui, genre la tour de la terreur, les trucs comme ça. Ça pour moi c'est pas du tout. Parce que moi en plus c'est même pas, je prends même pas de plaisir, c'est juste ça me fait gerber. Enfin tu vois, il y a ouais, juste un bah, truc moi, de moi j'ai l'impression juste je vais faire une crise cardiaque et je suis pas très marrant. Ouais, c'est pas fun. C'est vrai. Non, ceci dit, l'ambiance des parcs vides où c'est glauque, je te rejoins, nous on avait fait une vidéo avec McFly et Carlito et le parc était vide et effectivement, je trouve ça très oppressant. Ah ouais, moi j'ai adoré. Putain, c'est ah fou. Ouais, c'était bah moi en fait, une fois qu'on a Au parc Astérix. Au parc Astérix, ouais, bien sûr. Non, mais parce que une fois qu'on a arrêté, enfin qu'on est sorti, ouais, moi je suis allé me balader dans le parc Astérix vide et j'ai adoré quoi. C'était génial. Genre, à Berlin, pendant longtemps, il y avait un parc désaffecté. Ne rebondissons pas sur ce que je viens de dire. C'était complètement. Pardon, non, mais. C'était sur le parc abandonné. Excuse-moi, je sais pas. Oh, je te taquine, Maître Gims. Et donc, t'avais aimé? Ouais. J'ai une anecdote pour vous sur le parc Astérix. Est-ce que vous savez? Ça me stresse ce câble qui est complètement tendu. Ben oui, mais est-ce que vous savez qui a inventé la poubelle qui parle au parc Astérix? Vous voyez qui c'est, la poubelle qui parle? Bien sûr, du papier. Du papier. Oh, j'ai très faim. Ça te parle pas, ça, William? Non. Non, d'accord. Seb, j'imagine que elle est là chez toi, j'imagine. Oui, c'est au début de la Méditerranée. C'est ça. Il y a une poubelle qui parle. Dans le quartier grec. Est-ce que vous savez qui a eu l'idée de cette poubelle? Ah, on peut deviner ou pas? Vas-y, mais faut qu'on aille vite parce que William doit. Ah, pardon. Vas-y, dis-le. Vas-y, c'était le buzzer de fin de question, vas-y. Non, c'est Gérard Hernandez. Oh, Gérard Hernandez. Oh, génial. Mais oui, tu l'as déjà dit, je crois. Parce que c'est dans le documentaire sur Uderzo qu'il y a eu sur Canal récemment. Et en gros, Goscinny. Non, est-ce qu'il était déjà mort? Non, je crois qu'il était déjà décédé. Mais en tout cas, Uderzo a ramené plein de gens marrants et leur a dit trouver des idées marrantes pour le parc pour que ce soit pas justement un parc normal. Le rêve. Et ils ont dit plein de conneries. Très peu de choses ont été gardées. Hernandez a eu l'idée de la poubelle qui parle. Et c'est très marrant parce que dans le documentaire, Hernandez va voir la poubelle pour la première fois parce qu'il était jamais allé au parc Astérix. Chial. Et non, il dit. Oh là, c'est pas du tout comme ça que je me disais. Il est très déçu de sa poubelle qui parle. Et j'ai pas touché 1€ de royalties pour ma super idée, quoi. C'est ça. Donc, c'est le grand Schtroumpf qui a eu l'idée de la poubelle qui parle. Pas mal, c'est quand fou. Même. Mais franchement, putain, moi, c'est le multiverse ou quoi pour moi. Oui, bien sûr. C'est le truc le plus iconique du parc Astérix. Ouais, non, mais vraiment. C'est vrai, oui. La première fois que je l'ai vu, barre de rire. Non, mais c'est vraiment ça. Barre de rire. Mais t'avais quel âge? Parce que. Selon. 28 ans. C'était le 1er janvier. Attends, c'est la première fois que t'es allé au parc Astérix? Ah, non, putain. J'avais 11-12 ans, un truc comme ça. Oui, oui. Non, mais oui. Mais en plus, c'est en plus en vrai une idée écologiquement, une idée de génie. Parce qu'en fait, du coup, t'avais ça pas l'air de savoir. À... En fait, il parle dès que tu lui mets un truc dans la bouche. Ouais, ouais. Et du coup, les gosses, ils vont ramasser des trucs pour le mettre. C'est génial. Ou voler des trucs pour le mettre dedans. Oui, ouais, c'est ça. Ou jeter les cadeaux, acheter. Enfin bon, bref. Les portefeuilles de leurs parents, des trucs. Chers amis, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table des recommandations culturelles, de choses qui vous ont plu récemment. Peut-être William, tu partiras pendant. Donc ce que je propose, c'est que je tu partirai commences. Pendant. Bah il y a des chances parce que je Ah oui, je vais partir pendant. Oui, ah oui, je dois partir. Parce que tu as okay. T'es dans un marathon de promo, mais ah oui, marathon, c'est la c'est la promotion. Est-ce que c'est la vente. Est-ce que tu as quelque chose de culturel que tu as consommé récemment? Alors pas forcément un truc récent, mais ça peut être du théâtre, un film, une série, un album. Un jeu vidéo, un one man, que sais-je encore? Non, il a rien, merde, je sors mon portable, je vais sur Canal Plus. J'y vais, j'avais pas grand chose, je trouvais pas grand chose. J'ai vu Xanadu il y a pas très longtemps, la comédie musicale, un des derniers films de Jane Kelly, mais j'arrive pas à le conseiller. J'ai vu plein de trucs qui m'ont passionné, mais je dirais que la dernière chose qui m'a marqué, c'est le livre de Pierrick Bailly qui s'appelle La Foudre. J'ai trouvé vraiment formidable, mais je vais pas trop m'épancher dessus parce que c'est très personnel le rapport que j'ai à ce livre. Mais c'est le genre d'œuvre qui est un peu comme le Bergman, la scène de la vie conjugale, etc., peut vous parler dans des moments un peu difficiles amoureux, ouais. Amoureusement. C'est le bateau de Thésée, ça alors s'appelle. C'est un manga ? C'est un manga, complètement. Donc, je répète, de Toshiya Higashimoto. Mmh. Et donc, donc, ça commence avec ce dont tu parlais tout à l'heure, les pièces qu'on refait, est-ce qu'on peut parler de la même chose ? Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui. C'est en 10 tomes, c'est terminé. Donc, quand vous avancez dedans, vous savez jusqu'où. Ce qui est déjà une qualité. C'est une très bonne qualité. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que la fin était prévue dès le début également. Ouais. Donc l'auteur sait où il vous emmène et c'est l'histoire de quelqu'un qui se trouve être le fils d'un meurtrier et qui est toujours en procès, qui est toujours enfermé en prison depuis des années et ce meurtrier était un policier qui s'occupait d'un petit village et il a été accusé d'avoir empoisonné toute une classe d'enfants dans ce village et donc ça a détruit la famille derrière. D'accord. Et lui il a décidé de jamais s'en occuper jusqu'au jour où il est contacté parce qu'il y a une enquête qui est réouverte dessus et il se dit tiens si j'allais un peu farfouiller dans ce mystère familial et très vite ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup, c'est pas que de l'enquête, c'est sur la famille, c'est sur l'amour et c'est sur les voyages temporels également. Oh, wow. Ah oula, du coup la femme a sauvé. Ouais. Ouais, on n'attendait pas. Ouais, c'est ça. Pas vu venir. Ça. Et non mais le manga est très surprenant. Ça va jamais là où on s'y attend. Et là ce que je vous ai dit c'est à peine le premier tome. Donc c'est j'ai dit les 15 premières pages. Okay. Putain, pas mal. Tu me l'as vendu. Ouais. Il est fort. Et c'est très très beau. C'est, ouais, c'est ça. Et triste. D'accord. Wow. Très bien. Donc le bateau de Thésée. Le bateau de Thésée. Voilà, ah, exactement. Ils ont c'est, ouais, c'est sorti en France. Tout est dispo en France. Et ça fait sens d'ailleurs au dernier tome, le titre, je trouve. Ah, spoiler. non, mais c'est-à-dire que c'est. Oui, ouais, ouais. Zut. J'ai dit vu le gâcher. Et c'est sorti en France, oui, c'est dans oui, toutes les bonnes librairies. Je sais pas quand c'est sorti, mais ça fait un bout de temps. Toi, William. Alors oui, il y a une série que j'ai vachement aimée qui s'appelle. Qui est adaptée du coup du film de Bergman. Scène de la vie conjugale, ah oui, qui s'appelle Scene from a Marriage. Bon, c'était il y a assez longtemps, mais j'ai découvert ça il y a un moment. Avec oui, Oscar Isaac. Avec et... Oscar Isaac, ouais, et Jessica Chastain. Exactement. Et ouais, je trouve ça vraiment exceptionnel parce que justement, il y a des scènes qui durent tout. Il y a une scène de rupture qui dure tout un épisode. Enfin, c'est des scènes très longues en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment très long. On prend vraiment le temps et d'être gêné, de changer d'avis, etc. Donc. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai aussi voulu revoir un film que j'aime énormément, qui s'appelle Old Boy, ouais, et en fait introuvable oui, sur les ah ouais plateformes. Alors sache qu'il est en train de ressortir ah bon au cinéma. Ah d'accord. Je sais qu'il ressort tous les, enfin trois par Chan-wook. Et du coup, il y a la, Old la Boy, trilogie de c'est de, ça, de la vengeance, exactement. Introuvable. Et ben je pense que du coup il va re-être dispo parce que souvent quand ils font des ressorties cinéma, c'est-à-dire qu'ils les ont passés en 4K ou des choses comme ça, et du coup ils les ressortent derrière en VOD, ouais, et en Blu-ray, etc. Et en fait j'avais quand même oublié que ce film était extrêmement malaisant. Ah oui, voilà. Ah oui, pas, ah oui, qu'un peu, oui, pas ouais, le meilleur film pour ouais, pour un premier date. En tout effectivement, cas, ouais, effectivement, ouais, effectivement, évidemment, c'est... évidemment. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est génial, c'est génial. Voilà. C'est génial. William, on va te dire je au revoir. Vous embrasse comme du bon pain. Voilà. Merci d'être venu. Je vais repartir avec mon Solex et mes Kleenex. Oh là là. Ok. Oh, okay. Drop the mic. Merci William. Bisous. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Adrien Méniel, ta recommandation culturelle. Oui, alors ma recommandation culturelle. Quelques imitations de William Lebguil jusqu'à la fin, bien sûr. très bien. Je sais bien, hein. J'y étais. Non, alors bon, on va encore se moquer de moi parce que c'est un. C'est, bon, alors déjà, c'est un jeu, évidemment, un personne jeu vidéo, hein, comme d'hab, comme souvent. Mais là, en fait, je m'étais dit que j'allais m'entraîner dans le métro à le pitcher pour ouais, pas que ce soit une cata et je l'ai pas fait. Donc ça va être une cata. Écoute. Croyez juste moi sur parole sur le fait que c'est un excellent jeu très addictif et très bien. Ça s'appelle Balatro. Oh. Alors déjà, tous les gens qui... Parce que j'ai fait... Josiane une... Balatro, déjà. Déjà, j'allais pré-shot ça, évidemment. Évidemment que je... non, donc les gens qui... Parce que j'ai fait une story où on voyait le jeu. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est quoi le jeu? Bah, voilà, vous avez la réponse. Parce que moi, j'essaie de rediriger vers Floodcast, parce que c'est ça qui est rémunérateur. Il est malin, putain. Non, et donc, c'est Balatro. Et donc, c'est un jeu. Un jeu de cartes. De type roguelite. Alors pour expliquer rapidement le principe du roguelite, en gros, et je schématise, c'est le principe de aucune partie n'est identique parce que à chaque fois c'est beaucoup basé sur l'aléatoire et du coup tu c'est pas comme des jeux où t'as des niveaux qui sont prédéfinis et tu joues. Là c'est à chaque fois c'est chaque fois que tu fais une partie ça sera jamais la même. Et aussi tu débloques des en fait quand t'as perdu mais à chaque partie tu peux débloquer des bonus potentiels que tu vas pouvoir retrouver dans ta partie suivante, ce qui fait que à chaque fois tu es un peu avantagé, c'est à dire que le fait de jouer te permet d'avoir des, dans ta partie suivante des bonus supplémentaires que tu vas pouvoir trouver. Et donc en gros c'est un peu le principe de certes tu as perdu mais tu as rendu ta partie suivante potentiellement plus facile, ouais, parce que tu as débloqué des trucs. Donc c'est un peu ça le principe du roguelite. Et là c'est un jeu de cartes. Donc en gros le principe c'est que il y a 8 niveaux et chaque niveau il y a 3 manches et la troisième manche est un boss entre guillemets, un boss étant juste une partie où tu as une contrainte. Et le principe du jeu est très simple, c'est que tu dois marquer pour chaque manche un certain nombre de points et tu marques des points en jouant des mains de poker. Donc paire, double paire, brelan. Ah mais donc faut savoir jouer au poker. Non, parce ah non, que d'accord, en fait, une fois que tu au bout de 5 minutes, déjà en plus, il y a une aide où si tu as oublié les mains de poker, tu as un truc okay, qui te les explique. Un glossaire. Voilà, et en 5 minutes, il y en a pas tant que ça, donc en fait, en 5 ouais, minutes, tu les apprends et tu peux jouer. Moi, je joue pas du tout au poker et je suis fou de ce jeu. Ouais. J'y joue chaque minute de ma vie. Et c'est vrai que pendant l'émission, c'était pas très poli pour nos invités, ouais, voilà, mais, voilà, mais c'est vrai que t'es fou. J'ai joué. Non. Et en gros, moi, j'aime pas du tout les jeux de cartes, le poker, j'en ai rien à foutre. Mais là, en fait, le principe, c'est que après chaque manche gagnée, tu as accès à la boutique, parce que tu gagnes de l'argent, plus tu joues bien, plus tu gagnes de l'argent. Et après, avec ton argent, tu t'achètes des jokers ou des cartes tarot ou des cartes planètes, etc. Et chaque... En fait, le jeu, il a une profondeur immense, donc c'est dur de tout expliquer toutes les mécaniques du jeu. Mais en gros, une carte joker, par exemple. En fait, tu as 5 emplacements de joker dans ton truc. Et un joker peut être, par exemple... alors, il faut que j'explique un truc avant. C'est quand tu joues une main de poker, tu marques un certain nombre de points. Et pour chaque main que tu joues, il y a le multiplicateur qui est de base à 2, je crois. Mais tes cartes joker, elles vont influer notamment sur le nombre de jetons et le multiplicateur. Donc, par exemple, tu as une carte joker qui dit si tu joues une carte qui a 3 cartes ou moins, ton multiplicateur, il est x3, par exemple. Et donc, par exemple, parfois, ça peut être intéressant de jouer juste une paire parce que tu as le joker qui va booster ta paire vu que tu... Bon, je vois que je vous ai perdu. J'essaie de visualiser... C'est très... Il y a beaucoup de profondeur et en fait, le principe, c'est que c'est vraiment booster le côté jeu vidéo à fond. C'est-à-dire que tu peux booster chaque truc. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux, avec certaines cartes, tu peux booster certaines mains. Donc tu peux dire là j'ai une paire mais ma paire elle est niveau 6. Donc par exemple si tu joues une paire tu vas marquer plus de points que si tu joues un brelan parce que ton brelan il est niveau 1 mais ta paire est niveau 6. Ça mélange un peu des mécaniques d'accord. de plusieurs jeux de cartes c'est vraiment du et tu peux transformer des cartes, tu peux acheter de nouvelles cartes, donc tu peux avoir par exemple 3 9 de pique dans ton jeu par exemple potentiellement parce que on sort un peu des sentiers battus du jeu de cartes traditionnel où là on est dans un jeu vidéo et du coup le truc c'est que évidemment les jokers que tu peux acheter et les cartes que tu peux acheter c'est à chaque fois jamais les mêmes et donc du coup toi tu dois à chaque fois adapter ton jeu en fonction des jokers que tu as pu avoir, en fonction des cartes que tu as et tout. Et donc parfois tu vas faire une partie où c'est plus intéressant de jouer de chercher à jouer des couleurs ou des suites parce que t'as des jokers qui vont te donner des bonus si tu joues une couleur, si tu joues une suite ou si tu joues tu joues que des piques, etc. Enfin en gros c'est très très compliqué de pitcher ce jeu parce qu'il est très très... En fait c'est pas compliqué d'y jouer mais c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de mais tu trouves ça intuitif quand... Ouais, moi je trouve qu'on apprend, on capte très vite le principe. Voilà. Et peut-être jouez-y en vrai. Et en fait, voilà, jouez-y, c'est très addictif. Jouez-y et Beyoncé d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Moi, si je peux me permettre, bien sûr, Sébastien. Voilà, non, mais c'est super. Si je peux, j'ai le droit encore. Bien sûr. C'est mon podcast, merde. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est impossible à pitcher. Le jeu. Non, mais voilà. Alors, moi, j'avais des jeux de cartes dans les Final Fantasy 8 et 9, notamment. J'ai pas du tout la rêve. Et voilà, c'est bien. Non, mais en gros, tu vois. C'est vraiment le principe du deck building. Moi, je vois le jeu de cette famille avec la famille salle de bain et papa lavabo. C'est un peu ça. Non, mais en gros, j'ai l'impression d'un mélange entre Binding Truc of Isaac, là, comment ça s'appelait, qui est un roguelite. Oui, oui. Binding of Isaac. Et le jeu dérivé qu'il y avait de World of Warcraft, le jeu de cartes, qui était en dérivé. Oui, bien sûr. Oui, je l'ai pas là, mais oui. Hearthstone. Voilà, bien joué. Bah, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais sauf que, en gros, c'est le même principe, sauf que tu marques des points en jouant des mains de poker et tu peux booster. Chaque élément du truc peut être boosté, optimisé, machin. T'as des jokers et donc toi tu dois adapter ton jeu à chaque fois et c'est génial. Ok. Voilà. Non mais on pourra, vas-y. Après on pourra en parler. Non parce que je me dis que c'est pas mal de, c'est parce que c'est très compliqué de pitcher les jeux de plateau, etc. Mais je me dis comme c'est toujours quand même comme tu fais un high concept et tout, c'est peut-être pas mal de donner des exemples. Voilà. Tout à fait. Ouais. Non mais c'est du jeu de deck building comme etc. Et juste pour info, c'est pas genre c'est le jeu auquel tout le monde joue en ce moment. Oui, d'accord. C'est vraiment un jeu. Ah, oui. Je suis pas le seul à dire, c'est génial. Ouais. La moitié des gens sur Twitch jouent à ça, c'est très, très très bien. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venus. J'avais prévu quand même que Sébastien parle d'un truc, d'une vidéo, mais j'ai senti qu'il avait pas envie d'en parler. Non, parce qu'il c'est pas ça. C'est son actu. Enfin, on a deux personnes avec des principes, en tout cas, autour de moi là. Non, mais voilà, mais je comprends. Ouais, t'as participé à une vidéo d'internet dont on ne dira pas le nom, mais si vous avez vu. On peut le dire quand même, on peut juste dire ça. Non, moi je dis. Non, mais en fait, pardon, je mets beaucoup de temps, mais vous savez, je donne parfois l'illusion d'être intelligent. Je pense que je le suis un peu, mais je suis quelqu'un d'extrêmement lent et imbu de moi-même. Tu es acteur. Et donc, dire que t'as pas un minimum. Bien sûr, mais est-ce que j'étais un but avant de devenir acteur ou ça, c'est une vraie question. C'est la poule, c'est le coq fou ou la. C'est le coq fou. Non mais je sais pas si c'est une vraie question. Dites-nous dans les commentaires si ouais, vous pensez si vous que... auriez envie que Aurélien il donne des petites anecdotes. Aurélien je l'ai appelé. Et voilà. La fusion est parfaite. Oh là là. On n'a pas parlé de Patrick Sébastien qui veut se faire enterrer avec une bosse au niveau. Ah, on en a bite. Beaucoup parlé. On en a parlé dans un autre. Je l'ai pas écouté. T'imagines bien que ça a été. C'était tellement bien. Abordé. Oh la vache. Bah non, mais je sais pas. Écoutez, j'ai pas réfléchi moi-même. Ouais, moi, j'aime bien que les choses. Tu reviendras nous en parler. Je reviendrai parce que là, ça fera 15 jours qu'elle sera sortie cette vidéo. Ouais. Bah, vous pouvez la farfouiller un peu. Un peu en mode chasse au trésor. Mais je pense que tout le monde voit de quoi on parle déjà. Mais tu n'as pas trop envie de donner les coulisses. J'ai envie que ça reste cette petite œuvre d'art comme ça dans le web. On peut même pas dire ce que c'est la vidéo. C'est, tu... Ah non, mais si, allez voir. Alors écoutez, si, j'ai quand même dire un truc sur une vidéo d'Aurélien parce qu'il en a sorti une qui m'a fait beaucoup rire. Oui, voilà, ça n'a rien à voir avec toi. C'est son dernier couche-couche droite-droite. Ok, voilà. À Nantes. Allez le voir. Oh là là. Il y a un attachement particulier pour Nantes. Qu'est-ce qui m'ont fait rire, ouais, bien sûr, drôle. Pour les éléphants notamment. Bien et, sûr, et, on et, voit. Et le flan et le gâteau nantais et les nantais et nantaises bien sûr et tout ça et la vidéo est très très drôle allez-y ouais. Si ouais, vous avez ouais. envie de rire non, en plus pour et de faut vrai tenir pour un de peu vrai. Faut en tenir vrai. Un peu c'est comme couper faut passer les 40 premières c'est minutes c'est après c'est ça prend tout son sens il arrive à tout relier à lui voilà. C'est comme couper un monstre d'ego comme ton fils qui veut pas qu'on soit meilleur que lui ah non là pas non non là non ah là non oh le coq fou le coq fou il devient un oh, tantôt coq mou, tantôt coq fou. Le titre de l'épisode. Oui. Je me permets du coup, je j'ai le cale. Une projection à Montreuil dans 35 minutes. Je suis ta déjà gueule, en ta okay. gueule. Non, mais je te dois des excuses parce qu'effectivement, t'avais dit le. J'ai déjà oublié ce que c'était. La personne aveugle. T'avais pas, tu avais bien dit que le mec était aveugle dans le film. Et tu avais dit que si. Je présenterai mes excuses publiquement, donc je le fais. Je te présente mes excuses, tu l'avais dit. Merci. Juste parce qu'on m'a envoyé des DM, j'ai pas réécouté l'épisode. Bien sûr. Merci Adrien. Je les voilà. prends droit bravo, au cœur. Bravo Adrien. Voilà, c'est beau parce sinon, que plein de gens ne font pas ça. Ouais. J'ai la bonne auberge, un dimanche sur deux, regardez. Et sinon, j'ai pas d'autres actus, voilà. Bah, on va quand même se faire des petites projos. Oui. Là, on a déjà commencé, on est allé à Dijon, c'était super d'ailleurs. C'était merci. Génial. Merci et Autun, et Autun évidemment. Autun. Mais c'est vrai que les feux de Castaldi étaient surtout à Dijon, disons. Donc oui. Voilà, c'était essentiellement ta famille à Autun. Ouais, c'est ça exactement. Mais j'étais ravi de j'ai voir vu tes parents monde. Pour la première c'est fois. Vrai. Ça, c'est quand et même mes grands-parents et tout. Donc c'était assez joli. Oui, et j'ai vu ton mon grand-père qui dit Nick Noël dans les stories. Ça, c'était le highlight pour moi. Ouais, c'est ça. Et bah voilà, là, quand vous écoutez cet épisode, si c'est le jour de la sortie, on est à Rennes et à Nantes avec le Potier. On va faire plein de dates avec Sébastien d'ailleurs aussi. Ouais, on va à Caen et à Rouen. Exactement. Ouais, mais moi je serai pas là. Non, toi tu seras pas là. Ouais. Mais il y aura Seb Chasse et ça va être trop bien. Voilà, on fait plein d'avant-premières, c'est trop cool, c'est complet dans plein d'endroits. En description, vous pouvez voilà. le retrouver. Et voilà. Merci tout le monde, salut, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.